Mehdi est missionné sur le dossier, peut-on en conclure un grand prix? Oh, j'ai... Dans le derch. Le frites de chez Burger King. Je viens de roter, je crois. Salut à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du Racing Café. On espère que vous allez bien. It's race week. Oh là là là là, ça faisait tellement longtemps. 3 mois que la Formule 1 n'était plus là. Bon bah écoutez, hein, ça n'est que la moitié de l'intersaison de l'IndyCar, donc on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, j'espère que tout le monde va bien. Mieux évidemment que les pilotes Aston Martin, dont on parlera. Ne vous en faites pas, comment va le A et son magnifique nouveau décor, comme vous le voyez. Eh oui, bonsoir à tous, le A va très bien. Ce soir, nous avons un invité d'honneur, hein, puisque nous avons l'ingénieur en chef de chez Aston Martin. Donc, il est déjà prêt à arriver en Australie, hein. Il a déjà son casque, il a son micro, tout comme moi et tout comme Michael et moi. Donc vous pouvez lui poser des questions, il essaiera d'y répondre. S'il a une réponse, parce que vu qu'ils n'ont déjà pas de réponse sur leur moteur et leur voiture, on verra s'il arrive à quand même nous trouver des petites infos sur sa voiture. C'est ça, c'est un peu le souci, c'est qu'effectivement c'est vraiment Aston Martin mais sans Aston là. Donc on va voir ce que ça donnera. Ils ont aucune réponse, donc voilà, rien ne dit que ce sera certain et que ce sera dit, mais en tout cas vous pourrez toujours poser. Alors pour l'instant Martin ne vibre pas, comme vous le voyez, il reste tout à fait droit. Il comme reste bien figé, c'est très bien comme ça. Voilà. Mais il vibrera à partir de 2h30 du matin évidemment, enfin 2h30 du matin, c'est le début des essais, donc aux alentours de 3h15 quand les Aston prendront la piste pour la première fois du week-end à Melbourne. On rappelle, bah avant quand même de reparler de ce qui s'est passé le week-end dernier, juste que vous ayez bien les horaires en tête, parce que qui dit Grand Prix d'Australie dit horaire stupidement con, hein, excusez-moi du terme, mais donc 2h30 les premiers essais libres cette nuit, 6h du matin demain les essais libres 2, donc là écoutez c'est grasse matinée, hein, très clairement 2h30 les essais libres 3 dans la nuit de vendredi à samedi, 6h les qualifs samedi. Et vu ce qu'on nous annonce, il va falloir se lever pour regarder les qualifs en direct, évidemment. Et le Grand Prix dimanche à 5h. Et vu ce qu'on a vu, il va falloir se lever pour regarder ce Grand Prix. Je vous rappelle que 5h03 exactement, pendant au moins 10 secondes. Donc ça, franchement, ça ne se loupe pas. 22 monoplaces, enfin 22. Écoutez, sur le papier, 22 monoplaces qui accéléreront comme des tarés pendant 15 secondes pour charger les turbos, ce sera assez rigolo, mais il faudra le faire évidemment. Voilà, vous mettrez un casque, hein, si vous voulez bien, parce que vous risquez de réveiller tout le voisinage, ce qui serait formidable. Et le Kyoto dit, ma théorie foireuse, Aston fait le plus grand sandbagging de l'histoire et dimanche il finit avec 30 secondes d'avance. Alors dimanche ils vont certainement finir avec 45 ou 50 minutes d'avance sur tout le monde. Ah oui, parce qu'ils auront fini avant. Voilà, ils finiront 45 ou 50 minutes avant tout le monde, c'est sûr. Et encore, Stroll pourrait finir une heure avant, visiblement, donc on n'est pas à l'abri. Le départ va arriver, tout mon immeuble dit schizophile. Non mais ça, j'adore. Ça fait 10 ans, même 12 ans que les fans de F1 disent « il n'y a plus de bruit, oh là là là là ». Et maintenant qu'on leur sert un bruit monumental au départ, ils disent « oh, mais le bruit n'est pas bien, mais merde, moi j'en ai marre à la fin ». Arrêtez de vous plaindre, chers amis. Il va falloir exactement, comme dit Slim, se lever très tôt pour voir les Aston, puisque donc je vous rappelle 6h début de la Q1, donc 6h18 fin de la Q1. Tant que vous dire que si vous levez après, il y a des chances que vous ne voyez pas les Aston, hein, donc soyez présents. Et donc 5h03 départ du Grand Prix. Réveillez-vous avant 5h30, c'est un conseil d'amis, parce qu'en plus on n'est pas à l'abri que... En fait le problème c'est que les Aston, on sait très bien ce qui va se passer, c'est comme ils savent qu'ils vont certainement pas finir le Grand Prix, ils vont tout tenter dans le premier virage pour se montrer, donc Lance Stroll a de grandes chances de terminer dans le bac à gravier. Voilà, donc si vous aimez Lance Stroll, ça doit exister, regardez quand même le Grand Prix assez tôt, je pense que ce serait une très très bonne manière. Oh, Sushi qui nous dit sur YouTube, 5h03 je serai au taf, oh là là là là, oh c'est terrible. J'y serai à 9h du coup, j'ai le temps de regarder le Grand Prix avant. Oh là là, les pauvres. Enfin, je dis ça. Après, moi, je ne me plains pas parce que mon métier, ça va. Hein, je n'ai pas à me plaindre. Mais je tiens à vous dire que, s'il vous plaît, pensez ému pour moi ce week-end. Parce que samedi, la course d'IndyCar se finit à 23h30. J'en parlais à Axel juste avant. Donc voilà. Hein, et à 5h, je serai au rendez-vous. Donc à un moment donné, ça va être compliqué, cette affaire. Mais rassurez-vous, il y a pire chez Auto Hebdo, puisque je salue d'ores et déjà mon collègue Mathieu Chambenois qui fait les formules de promotion. Donc moi, quand j'irai me coucher après l'IndyCar, lui, il commencera sa journée avec la F3. Alors, tant vous dire que ce sera très bien. Yannis qui dit, pensez aux fans des Lakers qui font ça pendant 8 mois. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas facile. Je reconnais. Après, moi, je tiens à rappeler aussi qu'il y a aussi les fans de NFL hein, qui doivent parfois rester assez tard pour les matchs. L'avantage, encore une fois, c'est que étant fan des Colts d'Indianapolis, moi, je n'ai à faire ça que 2 mois et demi si je veux vraiment les regarder en direct. Donc, au moins, c'est très, très pratique. Donc, ça sera très bien cette affaire. Steam nous dit si personne ne finit parce qu'ils ont tous tué, ça a été du temps. Oui, c'est ça. Si Aston fait un énorme strike au départ, au moins, ils pourront dire qu'ils auront fini en même temps que tout le monde, ce qui sera assez, assez pas mal et assez correct. Voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer ce Racing Café. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses dont on va vous parler. Évidemment, le Grand Prix d'Australie et nos pronos, parce qu'on a tous rempli. On n'est que deux ce soir, parce que les deux autres disent « Ah là là, mais on commence à 2h du matin pour les... » mais pacotille, pacotille, s'il vous plaît, carabistouille. Mais donc... Ils sont excusés, dirons-nous, mais ils ont quand même rempli leur pronostic qu'on vous soumettra tout à l'heure. On va d'abord revenir évidemment sur les résultats du week-end. Il y avait de la moto de l'IndyCar et de la NASCAR sur le week-end, avec quelques craquitos évidemment qui sont largement mérités. Et puis toutes nos rubriques habituelles que vous commencez à bien connaître évidemment. Je vous rappelle que l'émission existe depuis maintenant 7 ans, hein, donc ça va, on est assez dans les fondamentaux. Appel Tortel et Gazou sera présent. Ah oui, je vais m'appeler. Bonjour, je suis Fred Veil de RTL. C'est très très très plausible. Axel va revenir, vous en faites pas. Voilà, le retour d'Axel. Oui, excusez-moi, je devais dire bonne nuit à mon fils, pardon. Voilà. Et voilà, écoutez, alors, jeudi soir, c'est la même scène. Hein. Ouais, alors entre nous, bon. Est-ce que vraiment dire au revoir et bonne nuit à son fils est un truc important? Je ne sais pas, voilà, je mais bon. Chacun hein, fait comme il l'entend. Ça va être hilarant hein, quand ce sera mon tour et que moi un jour il y aura le gosse qui rentrera, le chien, il y aura toute la famille qui va rentrer d'un coup. Ça va être fabuleux parce que nous ici on fait tout à l'antenne et ça c'est important. C'est très très beau. Mathieu qui dit quelles seront les conséquences du Liban. Hein? Non, c'est en Iran. Où il y a aussi le Liban dans l'affaire maintenant. Non, il y a Liban qui s'est mis aussi. Oh là là, mais c'est pas vrai, ça décidément. Ils font tout... ils s'y mettent tous en ce moment. C'est pas possible. Axel, il a les plans de la nouvelle Aston sur le t-shirt. Ah bah bien, il a bien travaillé très new way là. Je vous remercie avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet. MacBo pour l'abonnement, la sardine 22 comme toujours. Louloumu 06 aussi, qui a dit à Aston Martin tente une nouvelle technique pour gagner, faire une course moins longue que les autres. C'est censé marcher. Hein. Félicis aussi qui s'est abonné. Drag Catala, 33 mois pour la 33e victoire de Fernando qui n'arrivera pas. Voilà. Moi je l'ai mis sur... sur Instagram, je croyais cette année à la 33e victoire, et bien Fernando Alonso ne verra même pas le 33e tour du Grand Prix. Il n'y a aucun Grand Prix qui fait moins de 33 tours, ce qui est bien dommage. Hein. Zoltar qui dit, attends, ça fait 7 ans, je me souviens de la première. Non, on est en saison 7, mais la première, la toute première d'une émission qui s'appelait Racing Café, c'était en juillet 2020, et la première de la formule actuelle, c'était en novembre. Donc on va bientôt réellement fêter les 7 ans. Ouais. Ce qui est extrêmement flippant. Après, tu prends pour Aston Martin, l'avantage, c'est qu'au moins, ils pourront finir quelques courses, puisqu'il y a des courses sprint. Ça, c'est de grands avantages. Et dès le Grand Prix de Chine, on va pouvoir les voir aux avant-postes. En tout cas, on va pouvoir les voir en piste, hein, ce qui sera déjà un début. Slim dit, bientôt, on aura moins tendu un podium du Hülkenberg que la 33e. Oh là là là là là. Ah, c'est vrai. On rappelle, ça fait 13 ans que Fernando Alonso n'a pas gagné un Grand Prix de Formule 1. Nico Hülkenberg a mis 15 ans avant de faire un podium, donc autant vous dire que les courbes commencent à se croiser, hein, ce qui est assez, assez problématique. Mais bon, que voulez-vous ? On va commencer avec les résultats du week-end, il y en avait quand même, et des bien sympathiques, bien sûr, c'est parti. Alors c'est parti si le truc veut bien se lancer hein, mais après moi c'est, vous savez je suis pas quelqu'un de difficile hein. Ah mais attends c'est peut-être là. Non attends Jingle Racing Café bah, c'est là bah alors Montoya un seul arrêt 12. Ah bah décidément il a pas voulu, il s'est dit non aujourd'hui je suis complexe, on a attaqué trop tôt, c'est pour ça. Voilà, il se dit 20h47 et moi d'habitude je commence pas avant 21h, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Ce week-end il y avait donc du Moto Grand Prix, mesdames et messieurs, Grand Prix de Thaïlande, c'est la saison qui redémarre et c'est Pedro Acosta qui est en tête, rendez-vous compte, du championnat du monde MotoGP. Après les deux premières courses qui ont donc eu lieu sur le circuit de Buriram, Acosta qui a remporté sa première victoire en sprint, même si bon, C'est entre autres grâce à une pénalité pour Marc Marquez, on y reviendra très certainement. Et Marco Bezzecchi qui est maintenant sur une série de 3 victoires consécutives en Grand Prix, puisqu'il avait gagné les 2 derniers de la saison 2025, il gagne le premier Grand Prix de l'année, mais le fait qu'il ait chuté lors du sprint fait qu'il est un petit peu plus loin au classement, il est deuxième maintenant à 7 points de Bezzecchi. Mais Axel, bah, on n'avait pas tout à fait prévu que ça se termine comme ça ce week-end, avec Acosta, Bezzecchi, Fernandez dans le top 3 du championnat. Oui. La première Ducati est 7e, c'était pas gagné. Hein. Ouais, non, franchement, ce Grand Prix était vraiment bizarre, je trouve. J'étais mitigé entre excitation et ennui. C'était quand même un peu long, hein, il faut le dire. Ouais. J'étais excité parce que bah, forcément, c'était la reprise. En plus, surtout que je n'avais absolument rien suivi des essais libres ni des qualifs. Donc je suis arrivé le dimanche, la sprint, je ne savais même pas les résultats, pour vous dire. Hein. Donc je suis arrivé le dimanche matin à 9h, j'ai juste scrollé vite fait la grille de départ, très rapidement, mais c'est tout. Donc c'est difficile de tirer des conclusions de ce Grand Prix, ouais. Parce qu'on vient déjà de commencer, et surtout qu'on a quand même une surdomination incroyable d'Aprilia. On a des Ducati qui ont vraiment galéré. Je pense que c'était clairement le compliqué avec Ducati au niveau des pneus, notamment, je pense, en conditions de course. Et le truc, c'est que Aprilia a toujours été très bon sur ce circuit. C'est un circuit qui leur convient très bien. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, ils ont bossé. Ils ont vraiment bossé parce que on voit qu'on a quand même Raúl Fernandez et Ayogura qui sont très très bien placés. Ogura était très très très bien placé déjà l'an dernier sur ce circuit. Mais honnêtement, les Aprilia sont vraiment au rendez-vous. Elles fonctionnent très très bien sur ce circuit. À voir ce que ça, à voir la suite sur les autres Grands Prix. Mais en tout cas, on a une excellente inversion, hein, avec Ducati. Bon, malheureusement, Marquez qui tenait la troisième place quand il touche le vibreur et que ça, littéralement, sa jante a éclaté, hein, complètement. Ça a fait un énorme poc sur la jante et du coup, ça lui a fait une énorme crevaison. On a Alex Marquez qui est tombé au même endroit, hein, en plus, dans le même virage qui est tombé. Et une petite chute de mire pour bien commencer l'année, quand même. Hein. Oui, chute, problème mécanique avec tout ce qu'il fallait. De toute façon, pour mire, ce week-end, il était bien content, le garçon. Donc après, voilà, on a les Aprilia, les 4 Aprilia aux avant-postes, parce que Martin est tout de même là. On voit que la reprise est quand même assez compliquée pour lui. Hein. Il a évité tous les essais, il ne connaît pas la moto. Après, là, on voit quand même 2 choses intéressantes, c'est que Aprilia a réussi à faire une très très bonne moto pour tout le monde. Je pense qu'ils ont, comme ils ont dû se passer de Martin l'an dernier et tout l'hiver, je pense qu'ils se sont vraiment concentrés sur Bezzecchi, Raúl Fernandez et Ayogura pour vraiment faire la moto la plus homogène possible pour tous les 3, en se disant peut-être que potentiellement Martin, on le verra pas forcément toute la saison. Donc on va pas lui faire une moto pour lui, à l'inverse de KTM qui, je pense, a fait une moto juste pour Acosta. Ah bah ça, oui, c'est le seul qui arrive à s'en sortir. Parce qu'ils savent que Acosta, c'est leur poulain qui doivent absolument le garder. Et je pense qu'ils sont vraiment basés sur qu'ils lui ont vraiment développé une moto pour lui, pas une moto homogène. Parce que franchement, quand on voit Vinales et Bastianini, comment ils ont galéré tout le week-end, alors que sur la fin de saison dernière, ils étaient pas si mal que ça avec les Tech 3. Je pense vraiment que le développement de la KTM s'est focalisé juste sur Acosta en se disant bon, on n'a pas beaucoup de pognon, qu'est-ce que tu veux, on te le fait, et les autres bah, ils vont se débrouiller. Je pense qu'ils sont partis sur quelque chose là-dessus. De toute façon, ils n'ont pas de pognon et s'ils le perdent, ils ne peuvent pas sortir l'évier pour récupérer un autre pilote. Bah, c'est ça. Donc, voilà, bah, ce qui fait que leur stratégie est un peu dangereuse, parce que si tu as développé ta moto pour Acosta et qu'il décide de ne pas rester, comme personne d'autre sait la piloter. Honnêtement, je pense que. À Costa, on est un peu comme avec Quartaro, c'est-à-dire que tu as quand même une belle histoire avec KTM depuis le début, hein, pour Acosta, quand même, depuis ses plus jeunes années. Pardon. Et s'il fait des podiums, il n'ira pas voir ailleurs. Là, clairement, il gagne la sprint sur pénalité parce qu'ils se sont touchés avec Marquez dans le dernier virage. Je crois que c'est le dernier virage. Hein, oui, c'est ça. Oui. Mais dans tous les cas, la moto est compétitive pour lui. Il l'a montré ce week-end. Il l'a montré sur les qualifs, sur la sprint et sur la course longue du dimanche. Donc là, il sait qu'il peut se battre pour la victoire. Sachant qu'en plus, en fin de course, je pense qu'il avait même peut-être mieux tenu ses pneus que Bezzecchi. Parce que sur la fin de course, il était vraiment très rapide. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment très intéressant pour KTM. Et s'ils arrivent à sauver juste avec ça, on connaît hein, toutes les écuries qui ont fait des motos juste pour un pilote. Hein, bah, on a toujours plus vite que pour Marquez. Hein, donc, voilà. Je pense qu'ils misent là-dessus aussi, parce qu'après, de toute façon, t'as pas non plus un milliard de pilotes que tu peux signer derrière. De toute façon. Ah, c'est ça. C'est compliqué. Si tu veux récupérer un pilote, ça serait qui là, on en parlait il y a 2-3 semaines, mais à part récupérer un Quartararo ou un Bagnaia, mais ils coûteront aussi cher qu'Acosta, voire plus cher, concrètement. Bah, sauf si Bagnaia arrive à continuer à faire des super performances comme ce week-end, où là, il va commencer à devoir avoir des prétentions salariales qui vont être à la baisse. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça a été très compliqué pour lui sur la course du dimanche. Hein. Après, il s'est mal qualifié. Hein. Il partait très loin. Je crois qu'il partait... Bah, il n'était pas en Q2 déjà, donc il partait 13 ou 14. Hein. Ouais, il partait 13 ou 14, donc... Grille de départ, elle est où je crois, hein. Je crois qu'il partait 13e. Donc, il partait 13e, voilà. Mais il loupe pas la Q2 de genre 3 millième, quoi. C'était en plus, il s'est fait... il était à 2 dixièmes, je crois, en Q1. Il part 13e, donc... après, il est remonté, mais... Il est remonté parce qu'on a quand même eu 3 abandons devant lui. Bah, c'est ça. Donc, ça fait 10e et il finit 9e. Donc en gros, il a doublé qu'un seul pilote concrètement. Ouais, c'est ça. Non, mais il a été vraiment globalement à la ramasse. Hein. Bagnaia, c'est sûr que là, c'était compliqué. On a demandé un avis sur la pénalité de Marquez. Bah, c'est un peu sévère. En fait, c'est qu'il se relève pas, tout simplement. Hein. Il se touche, mais il se relève pas. C'est ça. Mais d'un côté, c'est un peu sévère. D'un autre, je me dis, c'est pas mal si le nouveau directeur de course serre un peu la vis. Parce que beaucoup parlaient d'un bloc pass. Et c'est l'idée du bloc pass, mais là, c'est vraiment juste l'image. C'est quand même le mec qui rentre un peu trop fort dans le virage, qui élargit sa trage et qui laisse pas de chance aux autres. Un bloc pass, c'est vraiment le truc où tu te mets et l'autre ne peut pas venir te recouper. Mais c'est pas pour autant que tu vas l'emmener hors de la piste. Alors que en là, fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bloc pass, c'est qu'en fait, tu te sers de lui pour tourner. C'est ça. C'est le principe. En motocross, si tu lui rentres dedans, oui. Pour le doubler, c'est concrètement c'est ça. Un bloc pass, c'est tu le rentres dedans. Mais en MotoGP, moins. Mais il y a l'idée en tout cas de vraiment, tu viens foutre ta moto, mais quand l'autre doit complètement élargir parce que tu lui es rentré dedans et que toi t'es déjà pas loin de sortir de la piste, bon c'est un peu plus après, limite. Il faut pas oublier, là pour ceux qui demandent au niveau de la pénalité, il y a 3-4 ans, quand tous les effets aéros sont arrivés, il faut pas oublier que la direction de course avait mis en place que la moindre touchette c'était pénalité. Oui. Et que tout le monde s'était indigné en disant oui mais c'est plus du sport, on peut plus se toucher. Et on avait eu une course à Jerez qui était abominable parce que du coup personne voulait se toucher, personne se doublait. Et c'était vraiment limite pas beau à voir en disant oui bah ça tue le sport. Donc à un moment il faut savoir ce qu'on veut. Là je pense que ils ont voulu peut-être mettre les bases dès le début. C'est la première course de la saison, première course sprint. Ils sont touchés, ont même pénalité et en fait ils se sont dit bon bah on la met maintenant, ça va servir d'exemple pour tout le reste et on n'aura pas de situation sale entre guillemets. Je pense que c'est plus pour ça, juste pour mettre les bases dès le début de la saison. Et pas de jouer dans « oui, bon, allez, on laisse faire », et que potentiellement, soit ça aille sur plus grave plus tard dans la saison, en fonction du championnat. Parce que là, concrètement, le championnat va être très serré, honnêtement, je pense. Donc, c'est peut-être pour éviter des coups bas plus tard dans la saison. Après, on n'est pas... Encore une fois, hein, Marquez n'était pas sur un circuit où... il a déjà gagné, mais c'est pas le meilleur package pour lui et Ducati, donc on n'est encore pas à l'abri évidemment qu'il gagne quelques courses dans celle qui arrive. Le Brésil, ça ce sera la grande surprise pour tout le monde, donc au moins on verra ce que ça donnera. Et le dimanche, bon, il y a cette crevaison. Martin a crevé aussi, mais lui il a eu un peu plus de chance, c'est que la crevaison était, enfin la jante a été un tout petit peu moins tordue, ce qui fait qu'il a eu une crevaison lente. Donc il a pu finir le Grand Prix, le sprint le samedi, alors que Marquez il est sorti et il a dit, et ça c'est vrai que c'est très bête, il était dans ce virage-là, il perd l'avant, il le récupère parce que c'est Marc Marquez, donc il arrive à foutre à peu près tout son côté gauche sur le sol. Et au moment où il voit qu'il le perd un peu, il dit « Hop, je vais redresser la moto, prenons pas de risque, je suis sur le podium, machin, j'ai pas envie de prendre de risque. » Et il part tout droit en disant « Je vais sortir, je vais passer sur le vibreur, je vais revenir. » Et c'est en passant sur le vibreur qu'il éclate sa jante, alors que d'habitude, c'est en revenant, parce que la manière dont les vibreurs sont taillés, quand tu les touches, à la base, évidemment, t'es censé pouvoir rouler dessus depuis la piste. Donc ils essayent de faire en sorte que quand tu passes dessus, c'est pas problématique. Par contre, quand tu reviens dessus, évidemment, ça fait des marches. Bon, bah là, ça a marché dans le mauvais sens. Pareil pour Martin, je crois qu'il y en a eu deux ou trois autres dans les essais qui ont eu ça. Donc, il faudra qu'il se penche là-dessus pour l'an prochain quand même, parce que c'est, ça reste un peu, voilà, ça fait un peu mauvais genre pour le. On peut dire que c'est les pneus parce que c'est les mêmes, mais après, est-ce que c'est la jante qui est trop légère par rapport à l'an dernier? Parce qu'ils ont voulu jouer sur le composé des jantes éventuellement. Peut-être, mais après, je me dis, c'est arrivé à des Aprilia, c'est arrivé à des Ducati. Je crois qu'il y a une KTM en essai qui a eu ça aussi. Donc, t'as quand même plusieurs motos qui l'ont subi. Ouais. Mais c'était effectivement pas un problème les années précédentes non plus, alors que le circuit n'a pas l'air d'avoir changé. Donc, effectivement, ouais, c'est pas certain. Que, tous les ans, ça tire large à cet endroit-là. Bah oui, c'est ça, oui. Bah, c'est un virage. De toute façon, celui-là, il vaut mieux pouvoir tirer large parce que quand tu tombes. Tu finis très loin, tu peux pas la récupérer. Ouais. Donc non, c'est assez compliqué. Non, le pneu n'était pas défectueux à Chum, puisque c'est arrivé à plusieurs reprises. Si, encore une fois, c'était le seul à qui c'est arrivé, on aurait pu dire que... Mais en fait, là, le problème, c'est que c'est pas le pneu. C'est vraiment la jante. C'est Piero Taramasso, de Michelin, qui a expliqué. C'est ça. La jante, en fait, s'est pliée. Et donc, Martin a eu une pliure qui était un peu moins forte, ce qui veut dire que bah forcément t'as ton pneu qui est sur ta jante, la pliure fait que bah, le pneu était plus complètement en contact, et donc Martin lui a eu un peu d'air qui a commencé à se barrer. C'est pour ça qu'il a été sous investigation en fin de course sprint, parce que il avait pas réussi à garder la pression de pneu. Tu m'étonnes, il est en train de crever. Donc ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de pénalité. Marquez, lui, la jante s'est tordu encore plus, ce qui fait que le pneu a perdu énormément d'air d'un coup, et donc forcément des laminations et des jantages et tout plaqué. Donc c'est la différence, mais c'est surtout la jante le problème. Les pneus en eux-mêmes n'ont pas posé de soucis. Michael qui nous dit pénalité juste, imaginons si Pedro était tombé. Bah, je rappelle que c'était Giberno, il est tombé quand aussi il l'a percuté à Rérez, et ça a posé de problème à personne à l'époque. Donc, là, ça gênait pas. On n'aurait pas été à l'abri, hein, que ce soit une nouvelle fois le cas. Mais en tout cas, ce premier week-end a été assez sympa quand même à suivre. Oui, bien sûr. J'aime bien le fait qu'Ayugura finisse cinquième et soit extrêmement déçu. Donc tu te dis, bon, bah, au moins, c'est qu'il y a moyen de faire encore mieux pour le pilote japonais. Donc ça, c'est assez chouette. Vous avez dit, c'est une technique pour rouler avec une pression trop faible, tu fous un clou en temps de décélération. Oui, mais alors le problème, c'est que sur une moto qui roule, c'est compl... Ou t'essayes de mettre le clou pendant que ça roule, mais le clou va juste faire ping, il va s'envoler. Ou alors tu t'arrêtes, tu fais 2-3 burns histoire de... Ah, il faudrait faire ça, tu fais des burns comme ça, tu mets plein de fumée autour de toi, et paf, un clou. Hein. Et là, ça marchera bien. Parce que sinon, ça se voit très vite, quoi. C'est un peu compliqué quand Xavier dit si Ducati a besoin de magnésium pour réparer la jante, je peux leur envoyer des gélules. Oh là là là là. Non, je crois que ça n'est pas le même magnésium, mesdames et messieurs, je pense, hein, je ne suis pas certain. Mais bon, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Fabio Quartararo. Yamaha. Allô? Très compliqué, hein, là, honnêtement. Je vais juste finir sur Aprilia, si Ogura est déçu. C'est que je pense qu'ils sont vraiment très sereins sur le développement de la moto et tout ce qu'ils peuvent vraiment montrer. Clairement. Ogura avait très bien commencé la saison dernière. Après, je pense qu'il s'est mis un petit peu de pression et que du coup, ses résultats étaient un peu moins bons. Et ça restait tout. Même un excellent rookie l'an dernier. Oh oui, il avait fait un très très bon saison. Là, quand on voit vraiment ses résultats, 5e dimanche et à la sprint, il fait 4. Mais c'est ça, 4 à la sprint. Franchement, c'est vraiment du très très bon boulot. Après, pour Yamaha, bon, voilà, ça va être comme ça toute l'année. Hein. Concrètement, ils pourront pas faire mieux. Ils pourront, voilà, Quarta, il met 2 points parce que ça tombe devant, mais ça va être les derniers de la liste à chaque fois. Il y a un moment, ils étaient aux 4 dernières places devant Vinales, qui lui vraiment a été innommable tout le week-end. Mais ouais, c'est. Et le pire, c'est qu'on n'a pas laissé les pilotes s'exprimer après. Là, de toute façon, Yamaha, c'est comme Aston Martin. Là, on est sur le même type de développement, ça fonctionne pas. Le truc, c'est que à chaque fois, il t'envoie plein de poudre aux yeux, plein d'espoir. Et en fait, là, le problème, c'est que la moto, elle est encore pire que l'an dernier. Non, c'est ça. Elle est pire que le 4 en ligne. Après, on l'a dit au mois de février. Une moto, ça se développe pas comme ça. C'est pas dans l'habitude de Yamaha de faire ce genre de prototype. Faut leur laisser un peu le temps. Honda, eux, ils font des V4 depuis très longtemps. Là, ils avaient juste à travailler, on va dire, leur châssis et aéro pour que ça fonctionne mieux. Yamaha, ils partent de zéro, concrètement. Ils ont tout changé. Ils ont changé à la direction. Ils ont changé, je crois que des ingénieurs aussi ont été changés. Tu changes tout, tu repars d'une feuille blanche. Concrètement, là, c'est juste une année de test. pour être sûr d'être opérationnel pour l'année prochaine avec le nouveau règlement. Bah ouais, c'est sûr. Mais moi, c'est après, les autres, ils peuvent gueuler. Et ben, tant pis. Hein. À un moment, Yamaha, soit ils posent, ils annoncent en disant cette année, on l'oublie. C'est dès le début. Tu te dis bon, ben voilà, les gars, tant pis, vous serrez les dents. Cette année, on l'oublie. Là, c'est laboratoire pour la nouvelle réglementation. Ouais. Non, mais ça, je pense qu'ils le savent en interne. Après, c'est moi, j'entends le fait que voilà, tu passes d'un 4 en ligne à un V4, c'est nouveau, machin. Je l'entends. Je suis pas plus bête qu'un autre. Mais quand Ducati est arrivé, par exemple, en 2003, alors tout le monde avait dû refaire des nouvelles motos pour la nouvelle réglementation. Mais eux, c'était la première fois qu'ils faisaient une MotoGP. Capirossi fait podium à la première course, tu vois, et directement, on a vu qu'il y avait un potentiel. Même quand les autres constructeurs sont passés au V4. Ils l'ont pas non plus fait avec autant de difficultés et avec effectivement le pire, c'est que on change le moteur, mais Quartararo te trouve des problèmes depuis les essais sur le châssis, sur les pneus. Enfin, il y a plein d'autres petites choses qui font que en plus c'est compliqué. On parle pas que du moteur, hein, c'est l'ensemble complet qui va pas. Hein. Donc Arnaud nous dit que c'est comme Jim Carrey au César, c'est peut-être les clones de Ducati qui étaient là. Oh, c'était le vrai Jim Carrey, s'il vous plaît. Pas de complotisme, mais franchement, c'était parce que même Honda, honnêtement, ils étaient dans le match plutôt correctement. Enfin voilà, c'est un top 10. Mir était bien placé avant sa casse mécanique, hein. C'est ça. Mir était bien, Marini sauve les meubles, les Arco aussi. Hein, donc les deux, ça se passe. Après, je suis quand même relativement déçu de Marini, hein, honnêtement. Il est censé, on l'a vendu comme le Messi, mais. Il a la moto officielle, il n'est pas censé être là, il est censé être avec Mir, à être aux portes du top 5. Oui, Honda. C'est ça, oui, il est quand même censé se battre un peu plus haut. 5, sur des bonnes courses. Ouais. Il est censé être beaucoup plus haut que Zarco, lorgne le top 10 en servant de moto laboratoire et chez LCR. Pour moi, c'est tout à fait convenable, surtout quand tu vois l'Armada maintenant. Parce qu'avant, on disait l'Armada Ducati. Mais maintenant, tu peux dire que tu as une Armada Ducati, une Armada Aprilia et une KTM. Ouais. Globalement, si toutes les Ducati et toutes les Aprilia marchent, c'est un top 10 déjà. Donc, Oui, c'est pour ça, hein, totalement. Donc, et après, vu qu'on parle de Ducati, à voir ce qu'ils vont faire sur les prochains Grands Prix, parce que là, la moto a l'air de fonctionner. Et c'est là où on voit peut-être, par exemple, ce que le MotoGP avait mis en place comme règlement avec le système de concession, de développement, de grade ABC, je crois que c'est ABCD. Hein. Oui, c'est ça. C'est par lettre, voilà. Où on voit que finalement, Aprilia, Ducati, en étant premier avec moins de temps de développement, et en étant Aprilia et Honda, je crois qu'ils sont en C. Oui. Il n'y a plus personne en B, et tout le monde en C. Voilà, il n'y a plus de B. Et en fait, on voit vraiment la différence que Aprilia ait plus de temps de développement par rapport à Ducati, et maintenant, ils sont au même niveau. Concrètement, ils sont vraiment au même niveau. Pour moi, il n'y a plus cette ultra-domination de Ducati de ce qu'on voit sur ce Grand Prix, à voir sur le prochain. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un circuit favorable aux Aprilia. Ils ont toujours très bien fonctionné dessus. Mais tu en as quand même 4 dans le top 5. Et surtout, que je crois que ça doit faire plus de 80 Grands Prix que Ducati n'était... Oui. C'est la première fois depuis plus de 88 Grands Prix que Ducati n'est pas sur le podium. C'est ça, ça faisait 88, je crois. Ouais. 88, je crois, ouais. Donc c'est ça, et on remet ça. C'est un coup de massue. Bon, après, dommage pour Marquez qui se battait pour une P2 ou une P3. Mais sinon, derrière, DJA, il sauve les meubles, hein, quand même. Ils l'ont récupéré alors qu'il ne devait plus avoir Didon. Et finalement, depuis qu'il est chez VR46, il sauve les meubles, hein, tout de même. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est que Marquez, alors, parce que là, DJA fait 6e avec l'abandon de Marquez devant, avec plein de petits soucis, mais Marquez était le seul en plus à être vraiment toujours devant. Et alors, il était au-dessus, parce que là, on a un DJA et Alex Marquez qui étaient à peu près au même niveau, concrètement, et Bagnaia en dessous. Ah bah clairement, oui. Et puis, en plus, quand tu vas en sprint, Alex qui emmène DJ Antonio Large, c'est assez dommage, parce que DJA, il aurait pu marquer quand même quelques points, à mon avis, en plus, le samedi, qui auraient été mérités. Mais Alex Marquez a eu du mal, Morbidelli, bon, bah voilà, hein, de toute façon, Morbidelli. Mais bon, devant Bagnaia... C'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que quand tu as une moto qui ne te convient pas, c'est compliqué. Hein. C'est ça qui est fort, c'est qu'on a l'impression que le MotoGP est excessivement dominé par Ducati, mais en fait tout est très serré, parce que dès que tu vois que même avec la moto qui est censée tout casser, bah, si elle ne t'est pas favorable, tu vas avoir plus de mal, alors qu'Acosta, lui, il a une moto qui est parfaitement taillée pour lui, alors qu'elle n'est pas forcément la meilleure, mais là il va faire des super perfs. Et juste pour terminer, moi je voulais saluer quand même Diogo Moreira, parce qu'il fait un bon premier week-end. Moi je m'attendais à ce qu'il soit complètement largué quand tu vois les essais, les essais hivernaux, et finalement bah, il marque des points, il est resté sur la moto, il était quand même dans un rythme qui n'était pas dégueu, donc pas mal. Très très bien, hein. il finit quasiment dans la route Bastianini. Ouais. Donc là en fait pour lui vraiment là, l'année qu'il doit faire, c'est vraiment l'objectif. Bon, c'est un objectif assez simple, c'est d'être toujours devant Yamaha, concrètement. Et s'il est toujours devant Yamaha, il sait qu'il marquera des points à chaque Grand Prix. Ouais, c'est ça. Donc, cela, il finit quand même 6 secondes devant Quarta. Donc, ça lui fait vraiment un bon matelas. Ça va lui permettre de progresser et de découvrir cette Honda qui a l'air quand même un peu plus simple à piloter. Donc, pour lui, c'est un très bon week-end. Puis tu regardes, il finit même pas 5 secondes de Zarco, hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Ils ont fait tout le Grand Prix ensemble. Enfin, en tout cas, le début du Grand Prix. Donc, lui, il a appris. Zarco était content aussi de voir que Moreira était dans le rythme et qu'il pouvait lui apprendre des choses, parce qu'il y a beaucoup dans la transmission. Ce qu'il avait fait avec Martine, hein, Zarco. C'est ça. Quand ils étaient avec Pramac. Par contre, on en parle des Pramac, elles sont juste affreuses à l'écran. Oui, c'est normal. Et puis, bon, après, j'allais dire, hey, Toprak, oui, mais enfin, Toprak, il a battu Miller déjà en course. Donc, bon, bah, il a fait ce qu'on lui demande de faire. Hein, même si je vous dis que je n'attends pas avec impatience la lente dépression de Toprak Razatoglu toute l'année, parce qu'il est dans un état. En même temps, il passe de triple champion du monde Superbike à, eh ben, si on met un point, ce sera déjà pas mal. Il n'y a pas de sas de décompression. Hein, donc là, ça va être compliqué. Après, il a rejoint Yamaha en connaissance de cause. Quand il a signé, il était déjà à la rue. C'est ça. Et en plus, il a signé en sachant très bien qu'il avait fait des chronos aux essais qu'il avait fait auparavant, qui n'étaient pas non plus... Il n'était pas terrible. Il savait qu'il n'était pas non plus complètement à fond sur MotoGP. Donc, voilà. Alors, si, bah, les gens, on les a vus à la télé à un moment, les Pramac, parce qu'à un moment, ils ont montré la coupe Yamaha. C'était très bien. Oui. Ils ont montré pendant quelques instants les 4 Yamaha ensemble. C'était, voilà, on était... Oui. Bravo les gars. Et c'est là où j'ai vu à quel point ils étaient laides. Ah oui, bah ça, oui, là, pour le coup, c'était pas... Bah, c'est vraiment... C'est vraiment pas bon. Violet, bleu, rouge ensemble, Pramac, là, c'est compliqué. Là, pour Pramac, tu te bats pour un titre il y a quelques années, et puis là, t'es dernier, quoi. Ah ouais, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Bah, c'est un peu la descente qu'avait eu Tech 3 quand ils gagnaient des courses avec Oliveira, et que 2-3 ans après, bah, ils étaient repartis derrière. Puis Acosta est revenu, ils sont revenus devant. Puis maintenant, ils sont de nouveau derrière. C'est compliqué pour Tech 3. Mais donc, premier week-end de Günther Steiner en tant que patron d'équipe MotoGP. Il a adoré. Au moins, l'avantage, c'est qu'il a globalement eu des motos qui ont fait les mêmes résultats que quand il était chez Haas. Donc, ça lui a, voilà, ça lui a pas posé de problème là-dessus. Il était assez rodé à l'exercice, on va dire. Donc, c'était pas mal. C'est vrai que chez Pramac, ils étaient meilleurs. On rappelle que Pramac, ils ont quand même gagné la course de Tuk Tuk. Avant le Grand Prix. Donc non, mais il n'y a pas de petite victoire à un moment donné. Voilà, hein. L'an dernier à Miami, ben, les Williams et les Aston se mettaient devant la course de Lego. Voilà, bah écoute, on se monte quand on peut. Et donc voilà, là ils ont gagné. Alors, les mauvaises langues diront qu'ils ont triché en coupant le dernier virage. Encore une fois, je laisse ça aux mauvaises langues. Bien entendu, hein, c'était une course tout à fait régulière et bravo au duo Pramac. Il y avait... Oh là là, attendez, je commence à avoir des palpitations parce qu'on y est, mesdames et messieurs. Il y avait de l'IndyCar ce week-end, rendez-vous compte. Oui. Il y avait de l'IndyCar à Saint Petersburg en Floride. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Bon, mais ça, on s'y attendait. Et puis voilà, Alex Palou a gagné. Il y avait la NASCAR aussi. qu'est-ce que vous voulez qu'on dise. C'est vrai que c'est... En fait, Saint Pete, c'est vraiment bizarre parce que j'ai pas regardé tout Grand Prix. J'ai regardé par petits morceaux. Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce qu'à la fois, tu te dis, ça reprend enfin parce que tu es vraiment en manque d'IndyCar parce que tu n'en as pas mangé depuis plus de 6 mois. Donc, tu es hyper content que ça reprenne. Tu sais que le premier virage, ça va cartonner. Enfin, le premier tour, ça va cartonner. Et après, tu sais que tu n'auras plus rien. Mais tu restes quand même là parce que, bah, en fait, c'est la reprise, tout simplement, c'est ça. Je pense. Et puis il peut toujours se passer un truc. On a vu j'aime bien le tracé, moi, donc c'est pour ça que j'aime bien regarder aussi le tracé. Bah oui. Vraiment, je trouve. Le circuit est cool, et puis voilà, on salue Mick Schumacher, évidemment, qui a fait trois virages. Après, t'en as qui disent « Ah, le pauvre, il y est pour rien ». D'un côté, s'il ne se qualifiait pas 21e, il n'aurait pas été là. Et d'un autre côté, il aurait dû mieux étudier ses adversaires. Quand tu as à côté de toi Stingray Rob et Santino Ferrucci, tu sais qu'il n'y a aucune chance que tu perdes le virage. Donc voilà, s'il les connaissait un petit peu, il aurait su et il aurait ralenti, évidemment. Après, le problème, c'est qu'en ralentissant, il serait peut-être fait percuter par un autre des champions derrière. Donc voilà. C'est ça. Et en plus, si tu analyses bien Sinpitz, c'est toujours à ce virage-là que ça peut être oublié. Oui, il n'y a jamais de problème là-dessus. Oui, ça, en général, il n'y a pas de problème. Évidemment, Slim, comment ose-t-il rouler à Saint-Pétersbourg. Enfin, ne vous en faites pas, puisque la semaine prochaine, nous irons du côté de l'Iran, bien sûr, avant l'épreuve de Téhéran, qui continuera la saison. Et puis le triptyque, évidemment, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, qui sera très, très attendu. Non, évidemment, Saint-Pétersbourg en Floride, on tient à vous le rappeler. Mais voilà, Alex Palou, le truc, c'est que il partait quatrième, donc déjà en partant quatrième, moi j'avais mis sur notre petite discussion entre collègues de top 2, j'ai mis de toute façon c'est pas nous qui a gagné, donc pourquoi est-ce que vous embêtez. Effectivement, il ne fallait pas s'embêter, mais il partait quatrième et il fait son premier relais, le coude à la portière derrière Ericsson et McLaughlin, et tu sais à ce moment-là de toute façon que voilà, il y a ça de grandes chances de marcher, il fait l'overcut, et là où ça a surtout été impressionnant, c'est que il était reparti donc en tête, il maîtrisait, il avait une seconde et demie, deux secondes d'avance sur Ericsson, qui était passé deuxième. Il y a eu une neutralisation, ils sont repartis au 44e tour, 14 tours plus tard, il avait 18 secondes d'avance. C'est-à-dire qu'il leur a mis une énorme branlée, désolé du terme, à un moment donné, vraiment terrible. Donc il a eu le temps de faire son arrêt, machin, ça lui a permis de revenir, et il savait, alors en plus c'était très important pour lui de prendre cet avantage-là, puisqu'il savait qu'il allait devoir terminer avec les pneus durs. Et les pneus durs sont quand même un peu moins bons. On s'attendait à ce qu'ils soient mieux que les pneus tendres, mais les tendres ne se dégradaient pas assez finalement. Donc, ça fait qu'ils étaient vachement bien avec ces tendres-là. Et voilà, il a été encore une fois impeccable. Et moi, ce qui est très inquiétant, c'est que le chef mécano de l'équipe, Ricky Davis, il s'est exprimé à la télévision américaine avant le départ, et ils ont fait une fête à Indianapolis à la fin de l'année avec toute l'équipe. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils ont quand même gagné 8 courses dans l'Indy 500. Oui, ça mérite une petite fête, je comprends. Et il a dit, non mais vous savez, la fête qu'on a faite, oui, on a un peu célébré nos 8 victoires, mais on a surtout parlé des 9 courses qu'on a perdues. Je suis là, oui, non mais à un moment donné, merde, hein. Donc là, pour l'instant, bah, ils sont à 100% de victoire. Palou est pas confiant pour Phoenix. Il n'était pas en grande forme lors des tests là-bas. Il n'a pas trouvé ça. Il n'a pas trouvé que la monoplace lui convenait pour l'instant. C'est un circuit sur lequel il n'a jamais roulé. Hein, Phoenix, l'IndyCar, il n'y va plus depuis 2018. Donc, alors peut-être, qui sait, ça pourrait marcher. Mais voilà, il a été encore une fois impressionnant. McLaughlin a enfin sorti un peu la tête de l'eau. Chez Penske. Ouais, il a fait une bonne course, hein. En plus, il a été constant. Il part de la pole, fait deuxième, il est bien, hein. Franchement, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est Newgarden qui fait une grosse course, hein, parce qu'il part, dans les derniers, il part 25e, je crois. Et 23e, pardon. Oui, il partait juste derrière Schumacher, c'est vrai. Il part 23e et il remonte quand même dans le top 10, donc pas mal du tout. Ce qu'a fait Newgarden. Willpower, lui, parce que je vois Gazou qui en parle, oui, ben Willpower, compliqué tout le week-end, il y a eu des problèmes de frein. Enfin, il s'adapte. Je pense que c'est simplement, en fait, les freins sont les mêmes, hein, pour tout le monde en IndyCar, mais chaque équipe a sa manière de les exploiter, évidemment. Chaque équipe peut un peu. Et en fait, les freins ont une incidence, enfin, sont directement perturbés, on va dire, par le package d'amortisseurs que tu as sur ta voiture. Et les amortisseurs, tu peux les développer en IndyCar. C'est le seul vrai gros moyen de développement. Et chez Andretti, on sait qu'ils ont des packages d'amortisseurs très différents de la concurrence. C'est Romain Grosjean qui nous disait ça. Quand il a fait son premier test chez Andretti, donc il avait roulé chez Delcoin, il a fait son premier test chez Andretti et ils lui ont dit « Bon bah Romain, voilà la feuille de réglage qu'on va mettre sur ta voiture. » Et puis il a regardé la feuille, il a dit « Non mais les gars, vous êtes fous. Jamais de ma vie je roule avec ça. » Parce que c'était complètement à l'opposé de ce qui se faisait avant. Et sauf qu'il est arrivé en piste et il a compris que ça marchait totalement avec les super... Avec les super amortisseurs qu'ils avaient. Non, il n'a pas eu. Non, c'est le contact avec le mur de Power, c'est parce qu'il a raté son freinage avant. C'est ça, surtout le problème. Il rate son freinage comme il l'a fait trois fois dans le week-end déjà. Il avait déjà tapé le mur dans le week-end. Donc voilà, Power, c'était des vrais problèmes tout au long de ces trois jours-là. Maloukas, je suis un peu déçu. C'est dommage pour lui parce qu'il bloque la roue En premier relais. Ah et oui, donc, mais il bloque plus la roue, là. Enfin, oui, il bloque comme un goré, oui, effectivement. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai vu un mec crever parce qu'il avait, fait un plat sur un pneu, quand même. Hein. Ouais. Donc, ça, c'était quand même très fort. Par contre, bah, Romain Grosjean, quand même. Ah oui, le perf. Hein. Sixième en qualif, huitième en course. Avec la Delcoigne pour le retour, franchement, c'est très intéressant et c'est vraiment très très bien pour lui. Il a été pour très la confiance et tout, c'est très très bien. Et moi je vais vous dire un truc avec Romain Grosjean, j'ai oublié, mais en fait Romain Grosjean, eh ben, je vous le dis là maintenant, nous sommes le 5 mars, je peux vous le dire comme ça. Soyez pas étonnés si fin mai il est dans la lutte pour la victoire à Indy 500. Voilà. Parce que je l'avais oublié, mais après l'Indy 500 2025, où déjà les Delcoigne en qualif n'étaient pas bonnes, mais Vicky était bien remonté en course, ils ont recruté Michael Cannon. Et alors Michael Cannon, c'est un ingénieur qui est là depuis 25 ans. Enfin voilà. Et en fait, tu sais exactement dans quelle équipe il est chaque année, parce que cette équipe, de manière inexpliquée, performe à Indianapolis. Il était chez Ganassi quand ils ont gagné avec Ericsson en 2022, que Palou fait deuxième en 2021, et que genre de 2020 à 2023, Dixon peut gagner chaque année, mais il arrive à chaque fois une merde. Et puis en 2023, il se dit « Oh tiens, je vais partir chez AJ Foyt ». Ferrucci a quand même failli gagner deux Indy 500 depuis. Oui. Et maintenant, eh ben, il est parti chez Delcoigne. De nouveau, il était déjà chez Delcoigne à l'époque, il est revenu là-bas. Il était chez Delcoigne, si je dis pas de bêtises, que je regarde, attendez, je vérifie juste, mais il me semble que c'était le cas. Je crois qu'en 2017, il était chez Delcoigne. C'est ça. Mi-saison 2016, il arrive chez Delcoigne Racing. Et donc, il est en 2017. Je rappelle qu'en 2017, si Sébastien Bourdais ne s'explose pas le bassin dans le mur, il fait la pole de l'Indy 500. Hein. Et son équipier Jones, il fit troisième de la course. Donc, Michael Cannon sait exactement comment on règle une voiture pour Indianapolis. Romain Grosjean, maintenant, en tant qu'ingénieur de course, il a Bill Pappas. Bill Pappas, qui était l'ancien ingénieur de course, notamment de Justin Wilson, quand il a gagné au Texas en 2012 avec la même équipe, et qui a passé 15 ans à être vice-président de la compétition de l'Indycar. Donc c'est pas mal quand t'as quelqu'un qui connaît vachement bien de l'intérieur le truc, ça aide aussi. Il a plein d'autres personnes dans son cercle, on va dire, d'ingénierie, Grosjean, ce qui me fait dire que vraiment, enfin, huitième là, c'est qu'une petite écurie a réussi à recruter comme ça autant de monde, autant de figures qui pèsent quand même depuis des années dans l'IndyCar, qui a réussi à les récupérer et qui soit en plus de ça, ouais, autour de Romain Grosjean, c'est très intéressant. Bah en fait, c'est que Delcoigne, alors effectivement, il a jamais eu les moyens. Voilà, c'est sûr que tu vas pas aller chez lui en échange d'un gros salaire. Ça, c'est assez assez garanti. Si tu veux un gros salaire, bah, va plutôt chez McLaren, va chez Préma quand ils avaient commencé, parce que Préma apparemment aussi recrutait à tour de bras avec des arguments financiers qui étaient pas mal. Mais chez Delcoigne, tu trouves, un environnement de travail qui doit être quand même excessivement sain. Parce que Delcoigne, on en rigole beaucoup. Et par exemple, 2024, la saison était calamiteuse avec 45 pilotes qui se sont succédés et tout. Voilà, ça effectivement. Et pendant longtemps, ça a toujours été la petite équipe vraiment de fond de grille qui remplissait. Ouais, mais après, tu regardes chez Delcoigne quand Grosjean est arrivé et qu'il était à deux doigts de gagner à Indianapolis. Mais ouais, il fait trois podiums. Je crois que c'est Vicky qui la remporte. Mais, et il la perd juste parce que les arrêts au centre étaient un peu plus longs. Hein. C'est ça. C'était juste la longueur des arrêts au centre qui lui fait perdre la course. C'est ça. Donc, franchement, ils sont là depuis plus de 40 ans maintenant chez Delcoigne. Donc, à un moment donné, quand tu as une équipe de course. C'était pareil avec Minardi à l'époque. Hein. Quand tu as une équipe de course qui reste là 20, 25, 30 ans, même s'ils sont toujours en fond de peloton, et encore, Coyne a quand même commencé à gagner depuis 2009 pas mal d'épreuves, eh ben, ça donne quand même envie d'aller y bosser. Parce que là-bas, en plus, en IndyCar, tu as cet avantage qui est qu'en Formule 1, par exemple, si tu allais chez Minardi, tu savais que tu allais finir en fond de peloton parce que tu n'avais pas les ressources pour. En IndyCar, tu as quand même encore cette capacité de venir et de faire en sorte que tes idées comptent. Donc, si t'es très bon, tu vas quand même pouvoir. Évidemment, Ganassi a plus d'argent et donc peut aller plus souvent sur le simulateur dynamique. Ce qui est, vous savez, quand Williams n'avait pas fait cette Bahreïn, ils avaient dit qu'ils avaient fait un VTT, le Virtual Test Track. En fait, c'est un système où tu poses la voiture sur des vérins. Et ces vérins simulent en fait les passages de vibreurs, les pistes du championnat. Bah, chez Ganassi, ils ont de l'argent, ils peuvent y passer plusieurs fois dans l'année. chez Delcoin quand Bourdais y était, il avait dit bah moi je l'ai vu une fois le truc, hein, donc forcément t'as beaucoup moins de données, mais c'est quand même des bonnes idées. Et à Michael Cannon, pour Indianapolis par exemple, il a pas besoin d'argent pour mettre en place ses idées, il sait juste exactement comment régler sa bagnole. Après, tu prends Delcoin, c'est comme LCR en MotoGP. Hein. Je pense que tout le monde adorerait aller bosser chez LCR, par exemple. C'est une vraie famille. Pour le coup. Voilà, c'est une vraie famille. Ils savent gagner, LCR, parce qu'ils ont déjà gagné. Mm. Du coup, Delcoin aussi. Et c'est surtout que l'avantage, le gros avantage de l'IndyCar par rapport à la Formule 1, c'est que tu vas avoir du routier, de l'urbain et de l'oval. C'est ça. Donc concrètement, même si t'es un, tu sais qu'à un moment ou un autre, tu pourras jouer ta carte. Et puis, vu que l'IndyCar, c'est de la stratégie pure, il suffit que tu aies les bons pits, que tu aies mis les bons pneus au bon moment, tu peux faire quelque chose de vraiment très intéressant. Ouais. Et j'ai eu de la chance, j'ai discuté avec Romain dimanche soir après la course, pour trouver ça sur AutoHebdo. Il l'a dit, ce qui lui coûte des places en course, c'est entre guillemets leur bonne qualif, parce que du coup, comme ils se sont qualifiés 3 et 6, parce qu'on va parler de Nice Hogger aussi, hein, mais comme ils se sont qualifiés 3e et 6e, ils se sont retrouvés dans une obligation d'avoir une stratégie conservatrice. Parce que quand tu te qualifies pour ton retour en IndyCar 6e, ça faisait quand même un an et demi qu'il n'avait pas fait une course, Romain Grosjean, en monoplace. Quand tu te qualifies 6e pour ton retour, bah, t'as pas envie de tout envoyer au tapis parce que t'as pris une stratégie un peu audacieuse. Donc ils ont pris une stratégie qui était assez mesurée. Les arrosants étaient pas mal en soi, parce que c'est souvent là qu'ils perdaient effectivement du temps avant. Là, ils perdent du temps sur le moment où l'arrêt au stand est fait, donc plutôt l'undercut, l'overcut, mais ils ne perdaient pas de temps en soi dans la pit lane. Donc ça, c'est déjà assez positif. Et il dépasse Hogger, parce que Hogger, lui, a eu un peu moins d'expérience, donc voilà, il pouvait moins bien gérer sa caisse. Et lui, l'objectif, c'était surtout de finir dans le top 10, il y est parvenu. Mais vraiment, Grosjean, il a très très bien roulé tout le week-end. Phoenix, ça peut encore aller. En fait, ce qu'il a dit qui est très important aussi, c'est qu'avoir justement tous ces gens sur le bureau des stands qui ont et de l'expérience et qui ont surtout travaillé avec Scott Dixon, avec Dario Franchitti, avec des gens, avec Sébastien Bourdais. Enfin, vraiment, ils ont travaillé avec des mecs qui sont des pointures. Et Romain me l'a dit, ça va lui permettre, et c'est terrible d'une certaine manière, mais c'est la réalité, c'est que ça va lui permettre d'apprendre des ovales. Parce qu'il connaît, vous allez me dire maintenant, il a fait 3 fois l'Indy 500, il est sur les ovales depuis 2021, mais on ne lui a jamais expliqué réellement, on ne lui a jamais donné le mode d'emploi en lui disant, voilà, là il va pouvoir avoir des gens qui ont une telle connaissance, quand il va arriver sur un ovale et qu'il va rencontrer une difficulté, bah, il va avoir des gens qui ont déjà une boîte à outils assez vaste pour lui offrir des solutions. Et à Phoenix, la première journée d'essai en essai d'intersaison, il a dit que ça marchait pas très bien, il y a quelques problèmes et tout. Et deuxième journée, ils ont mis en place certains correctifs, des ajustements de setup, et ça lui a permis de se sentir bien mieux dans la voiture. Donc franchement, je suis très enthousiaste pour Romain Grosjean cette année. À Indianapolis, déjà, le revoir rouler, c'est bah très bien. C'est très sympa. Et en plus de ça, comme on l'a dit, il n'a pas roulé la saison dernière. Moi, je le voyais vraiment plus en porte-parole de la Formule 1 avec le partenariat avec Disney que de retourner dans une IndyCar, hein, concrètement. C'est vrai que quand j'ai vu l'annonce, j'étais un peu sur les fesses. Et là, franchement, pour lui, là, il n'a aucune pression. Aux États-Unis, il a fait son trou. Tout le monde l'apprécie. Ben oui. Tout le monde est très content de le revoir. Oui, bien sûr. Et là, il fait une très belle perf. Il n'a pas de pression. Quand il a signé chez Andretti, pour moi, oui, il avait la pression, concrètement. Là, en retournant là-dedans, dans cette écurie, pas de pression et le boulot, il est fait. Ouais. Franchement, ça annonce vraiment. Pour lui, ça peut être une très belle saison. Je pense que c'est la bonne équipe au bon moment. Donc, non, ça c'est. Et le routier d'Indianapolis, je pense que ça va encore très bien marcher. Ouais, je pense aussi. Ça lui convient vraiment admirablement bien. Donc, non, et franchement, il y a moyen que le mois de mai. Je vous le dis, hein, deux top 5 de Grosjean au mois de mai, ça ne me surprendrait pas. Hein. Sur le routier et l'ovale, ouais, c'est pas impossible, hein, clairement. Mais non, ce serait très, très, très, très bien ce qu'il a fait. Et puis, Denis Hogger, son équipier, 3e des qualifs. Alors là. La question était posée tout à l'heure dans le chat. Oui, c'est bien le Denis Hogger de la Formule 2, hein, c'est le même. Il a vraiment éclaboussé le week-end, parce que faire un coup en qualif, c'est quelque chose. Ne faire aucune erreur en course, terminer solidement dixième, pas faire une erreur du week-end, ça c'est très très fort. Surtout en IndyCar. Ouais. Et ça pour le coup, parce que quand tu vois qu'à côté de lui en rookie, il y a quand même Caio Collette et Mick Schumacher. Bon, Caio Collette, après je vous dis quand même, très, très honnêtement, les Américains en attendent énormément de Caio Collette. Ouais. Moi franchement, pas du tout. J'avoue que je comprends pas la hype qu'il y a autour de lui. Il s'est fait assez solidement battre par Auger l'an dernier en Indy Next. Et puis Mick Schumacher, pour l'instant, bon voilà, hein, à un moment donné, Schumacher il s'est quand même qualifié 21e. Mais c'est une première saison, on sait que les premières saisons de Mick Schumacher, c'est jamais facile. Mais quand t'as un Dennis Auger qui arrive et qui directement te montre que c'est possible d'aller faire des belles perfs, ça, c'est quand même compliqué hein, pour les deux autres là. Donc, mais il a été vraiment excellent. Et lui aussi, je l'attends sur les circuits routiers, parce que un pilote qui vient d'Europe, les circuits routiers, ça lui ira toujours mieux de toute façon. Bien sûr. Même s'il a l'avantage de connaître les urbains, parce qu'il a déjà roulé à Saint-Pete et il a roulé sur les autres circuits l'an dernier. Pas forcément tous. Je sais pas si l'Indy Next est à Détroit par exemple, mais sur un circuit qui en plus va plus le convenir, un Barber, un Mid-Ohio en milieu d'année, tout ça, là ça peut être vraiment fort. Et Delcon, ils ont un très très beau duo. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on sait que Auger, il est placé par Andretti. Donc en gros, s'il fait une très belle saison, il ira sûrement chez Andretti l'an prochain, sûrement à la place de Marcus Ericsson, même si en terminant, en se qualifiant deuxième, en terminant pas mal dimanche, il a marqué des points quand même hein, pour potentiellement garder un baquet chez Andretti. Mais bon, ça me paraît compliqué. Déjà, je pense qu'ils vont pas virer Kirkwood, parce que Kirkwood, c'est vraiment le gamin qui façonne depuis des années, et puis surtout, il est très bon. En attendant, il a gagné 3 courses en dernier. Et Will Power, tu recrutes pas Will Power pour t'en séparer au bout d'un an. Donc, je pense que s'il y en a un qui est sur la sellette, c'est plutôt Marcus Ericsson. On dit s'enterrer chez Andretti. Ben, Xoran, l'an dernier, Andretti, il y a quand même les 3 victoires de Kirkwood. Il y a Herta qui performe bien. C'est pas, y a des enterrements, mais de moins bonne classe quand même. Hein. De toute façon, en IndyCar, si tu peux pas aller chez Penske et chez Ganassi, à un moment donné, Andretti et McLaren, c'était meilleure solution, quoi. Parce que McLaren, ils ont été très bons aussi ce week-end. Hein. Lundgaard fait le 3e. Il a fait une excellente course. Hein. Il était vraiment très très fort. Howard fait une bonne course aussi. Nolan Siegel était dans le peloton. Il était présent. Il était là. Voilà. Je rappelle que chez McLaren, ils ont viré Théo Pourchaire pour lui. Voilà. Je tiens à le rappeler. Hein. Tony Kanaan l'a dit de toute façon, par contre, là, il est gentil, Nolan Siegel, mais cette année, il faut faire top 10 du championnat. Hein. Il est 20e. Alors, et il n'a pas fini bien vu. Hein. Ah oui, non, de toute façon, Siegel, il est... C'est... En fait, Nolan Siegel, il est juste pas fait pour l'IndyCar. Et quand je dis ça, je le dis pas méchamment. Je le dis simplement de manière honnête. Parce que quand tu vois ce qu'il fait en LMP2, c'est tout à fait correct. C'est un bon pilote, Nolan Siegel. Mais il est simplement pas fait pour ces IndyCar. Et je pense que sa taille et son poids, ils sont quand même pour quelque chose. Il est vraiment tout petit, quoi. Il est frêle, mais c'est qu'il est petit et tout fin, quoi. Et l'IndyCar, voilà. C'est quand même une voiture qui demande à être martyrisée un peu dans les virages. Il n'y a pas de direction assistée, il faut les envoyer. Et ça reste un truc où, c'est un peu, il part forcément avec un désavantage. Encore une fois, je le dis pas dans le genre, c'est une critique. Il peut rien, tu vois, je veux dire, c'est à un moment donné, mais il vient avec un désavantage que n'ont pas forcément les autres. On dit un peu comme Grosjean, mais Grosjean, il l'a dit, il a terminé la course avec des ampoules partout sur les mains, parce que à un moment donné, une IndyCar, quand tu dois tenir le volant et que t'as pas de direction assistée, ça vient frotter forcément, même avec le banc. Oui, le volant, il est constamment en train de bouger. C'est ça. Donc, c'est très compliqué. Il doit soigner un peu pas mal de cloques là, avant Phoenix. Par contre, il était agréablement surpris de sa condition physique globale. C'est-à-dire qu'il s'attendait à souffrir un peu plus et qu'à part la chaleur, parce qu'il faisait quand même assez chaud, il était en bonne forme, il a fait un bon programme d'entraînement pour se remettre en forme à partir de l'été dernier. Donc voilà, franchement, c'était. C'est une pile, il est bon aussi. Hein. Ouais, c'est une pile, c'est pas un circuit qui est facile. Le circuit est plus facile que les routiers parce que les routiers, tu passes tellement vite Oui, parce que là, tu te retrouves avec un volant très, très lourd, mais à Saint-Pete, tu as toutes les bosses qui font que voilà, t'es toujours, t'es jamais décontracté sur le volant, t'es toujours crispé, donc forcément, tu te sers un peu plus fort. Mais voilà. Donc, rejoint avec la F1, maintenant, en Amérique, jamais trop perf en F1, mais en Amérique, il perf. Après, voilà, toujours, je mettrai toujours quand même un bémol aux personnes qui nous disent que Romain Grosjean n'a jamais performé en Formule 1. Il a fait 10 podiums quand même. Hein. Des pilotes qui font 10 podiums en F1, c'est pas non plus. Hein. Ouais, et c'est, puis c'est surtout que. C'est pas mal les courantes. Ah, ouais, déjà. Et après, il s'est pas retrouvé aussi non plus dans les meilleures écuries. Bah, c'est ça. Son arrivée chez A, ça a été impressionnante. Mais A, ça a été excellent sur une saison. Et après, ça a été la descente aux enfers. Bah, le mieux, c'était chez Lotus, de toute façon. Mais Lotus, avait plus d'argent. Donc, Oui, voilà. Voilà. Il y a quand même 10 podiums en F1, c'est pas rien. Ça me fait penser à ce que vous l'avez peut-être vu passer, la phrase que Esteban Ocon avait déclarée dans le Toledo. Et c'était. La phrase est à la fois terrible et en même temps pleine de lucidité et d'envie d'en découdre. Il l'a dit, il n'a pour lui rien prouvé en F1. Tu te dis, alors que pourtant, il a gagné une course. Il a gagné un Grand Prix, ouais. Mais à un moment donné, t'arrives en F1, tu veux faire mieux que gagner un Grand Prix dans des circonstances étonnantes, ainsi de suite. Et pour lui, il a juste dit, parce que j'ai pas encore eu le matériel, mais ça me pousse à toujours vouloir avoir ce matos. Et donc c'est ça, la Formule 1, à un moment donné, c'est important d'avoir le bon matériel. L'IndyCar, tu peux avoir du bon matériel sans avoir pour autant les coûts associés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, on a eu un début de saison qui était Saint-Pitesque, hein, finalement. C'était assez habituel. On s'est pas trop amusé forcément, mais il y avait quand même un peu de stratégie. Et puis à la fin, Alex Palou gagne. Voilà, bon, il y a quand même une possibilité pour qu'Alex Palou ne soit donc pas en tête du championnat après Félix. Ce qui serait quand même la première fois depuis 2024 où il ne serait pas en tête du championnat. Donc bon, on ne lui souhaite pas, parce qu'on souhaite que tout le monde s'épanouisse au maximum, mais pour le suspense, ce serait pas si mal. Hein. Soyons assez honnêtes, parce que l'an dernier, si je dis pas de bêtises, il gagnait les trois premières courses de l'année. Hein. Donc le suspense était assez rapidement enterré. Et puis s'il domine à Félix, bah, écoutez... On espérera qu'à Arlington, il sera moins bon. Parce que je tiens quand même à vous rappeler qu'il faut vous mouiller la nuque, chers amis. Parce que donc, on a une course IndyCar dimanche. Il y en a une autre samedi. Il y en a une le dimanche qui suit. Et il y en a une le 29 mars. Donc, quatre courses en un mois. Et après, c'est fini. Voilà. Rassurez-vous, il y a une seule course le 19 avril pour le mois d'avril. Et ensuite, voilà. C'est terminé. Rideau, on reviendra au mois de mai. Mais quatre courses pour débuter la saison. C'est rare, et aussi ça veut dire que ceux qui se loupent en début de saison, bah, ils vont le sentir passer pendant quelques semaines hein, quand même. Donc, Ah, bien sûr. Hein. Alors donc, après, les points à gagner, ça sera sur l'Indy 500. Hein. Ah, bah clairement. Alors non, Contexani, hein, c'est pas un quadrupédeur, attention. Hein. Il n'y a pas de course le 22 mars. C'est 1er, 7, 15, 29. Ce qui est déjà bien. Hein. Et effectivement, nous aurons déjà fait 4 courses sur 18 à ce moment-là. Et surtout un mois sur 6 hein, à peu près, ça c'est un peu la catastrophe. Il y avait de la NASCAR ce week-end. Oh bah écoutez, on parlait de on parlait d'Alex Palou. Alors moi je suis désolé, à un moment donné j'ai juste pas de chance, parce que bon, chez Auto Hebdo c'est quand même moi qui fais l'IndyCar hein, donc globalement je rappelle que je suis arrivé en 2024, donc j'ai globalement que écrit sur des victoires d'Alex Palou hein. Et maintenant, bah je me retrouve à ne faire que des victoires de Tyler Reddick et Michael Jordan en NASCAR. Mais c'est un scandale. L'avantage est, non mais, CTRL-C, CTRL-V, eh ben voilà. Ah, ça c'est pratique, ça c'est très bien, et puis au moins ça a permis de faire les blagues, eh, le three-peat comme a fait Michael Jordan, c'est très bien, voilà, au moins on a fait tout le truc. C'est quand même la première fois, la NASCAR, c'est quand même un championnat qui a été créé en 1949, c'est la toute première fois de l'histoire qu'un pilote gagne les trois premières courses de la saison. Sur trois circuits bien différents en plus, donc chapeau à Tyler Reddick. On en faisait un peu la blague, mais moi je commence à me dire, bon, si l'accord trouvé entre la NASCAR et 2311 pour que le procès s'arrête, ceux qui gagnent toutes les courses, on va vite se faire chier, hein, je préfère vous le dire tout de suite, mais il a été très impressionnant, et ce qui fait qu'elle est en plus vraiment impressionnante, sa victoire, c'est qu'il est reparti à 20 tours de la fin en tête. Shane Van Gisbergen a pris la deuxième place et il lui a collé 2 secondes sur le dernier relais. Et là, Là, tu te dis, chapeau, parce que vraiment, Shane Van Gisbergen, c'est Ayrton Senna, globalement. Il faut partir de ce principe-là. Enfin, en NASCAR, jamais personne n'a été aussi bon sur un routier. Ses capacités, que ce soit routier ou urbain, il est, sur le papier, il est intouchable. L'an dernier, il en a quand même eu 6, il en a gagné 5. Hein, mais la seule fois où il n'avait pas gagné, c'était à Austin, justement, comme là. Donc, toujours un circuit qui... Il est 13e aussi, hein. Ouais, il a réussi à ne pas bien se qualifier. Alors oui, mieux qu'Ambrose, Yanis. Non, mais Van Gisbergen, vraiment, je pense que Shane Van Gisbergen, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui était meilleur que lui sur un routier en NASCAR. C'est impossible. Marcos Ambrose, qui est un Australien, qui aussi a été champion en Supercars et qui était allé en NASCAR, je crois que Marcos Ambrose, il gagne 2 courses dans sa carrière. Shane Van Gisbergen, il en gagne 5 l'an dernier. Je ne sais pas si on se rend compte du gap quand même. Sa première course en NASCAR, il la gagne. Bon, à un moment donné, ouais, le mec est largement dessus. Boris Said, oui, c'est un road course ringer. Je ne suis même pas sûr qu'il en ait gagné une. Hein. Non, c'est Van Gisbergen, vraiment, il est au summum. Et surtout, sur Oval, c'est pas si mal maintenant. Donc, il va peut-être pouvoir se mettre dans le top 16 et aller jouer le Chase en fin de saison. Mais Reddick, là, c'était... très impressionnant. En plus, il sort d'une saison où il n'a pas gagné une course. Son fils a subi une tumeur aussi l'année dernière et c'était pas facile. Et cette année, il met tout en place, quoi. Et directement, 3 courses, 3 victoires. Et ce que j'aime bien, ça c'est tout con, hein, mais tu vois, il vient de gagner 3 victoires en 3 courses. Et ben pourtant, on n'est pas à l'abri qu'il ne se qualifie pas pour Chase quand même. Et ça, c'est con, mais ça fait plaisir. Parce que tu te dis, il reste 23 courses avant le Chase. Donc, un gros trou d'air et il se retrouvera plus loin. Alors que s'il avait fait pareil l'an dernier, il serait de façon qualifié pour les playoffs depuis le Daytona 500. Il aurait dit, allez, ciao les nazes, je m'arrête là. Non, là, il continue. On me demandait d'ailleurs dans le chat si c'est arrivé... combien de fois c'est arrivé 3 victoires de suite? Ça, j'ai pas la stat exacte. Mais l'an dernier, Christopher Bell en a gagné 3 de suite, si vous voulez. Donc, c'est un truc. Il avait fait à l'ouverture en plus, Bell. C'était, 3, 4, 5e course, je crois. Il y avait Austin dans le lot. Mais par contre, en NASCAR, gagner 4 courses de suite, ça, c'est plutôt rare. C'est plus arrivé depuis Jimmy Johnson dans ces années où il a gagné 5 titres de suite. 2007, je crois que c'était la fois où il avait gagné. Ça, 4 de suite, c'est très compliqué en NASCAR. Là, en plus, c'est Phoenix. Donc, là, encore un circuit qui est diamétralement opposé à ce qu'on a vu sur le début de saison. Mais franchement. Reddick, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et de le faire. Aura, hein. Concrètement, il a une aura de dingue sur ses 3 Grands Prix. Hein. C'est ça. Et puis de le faire avec Michael Jordan, ça marche excessivement bien. Là, je vous jure, mais le fait que Michael Jordan gagne toutes les semaines, la NASCAR, ils s'en frottent les mains. Surtout que, vous savez, NBC a récupéré les droits du basket. Ils sont parmi 14 chaînes qui diffusent, mais NBC, ça faisait plus de 10 ans, je crois qu'ils n'avaient pas diffusé la NBA. Et ils se sont, pour l'occasion, attirés les services de Michael Jordan. Tu te dis, y a une chance d'avoir Michael Jordan. Et en fait, au début, on s'est dit, ah, c'est cool, ils vont mettre Michael Jordan sur le bord de terrain, machin, ça va être génial. Non. Ce qu'ils ont fait, ils ont payé Michael Jordan 3 millions de dollars pour faire une espèce d'interview de 50 minutes. Et depuis le début de la saison, ils en passent des bouts à chaque match. Tout ce qu'ils ont de Michael Jordan, c'est une interview. La Fox, ça fait 3 semaines qu'ils l'ont 5 minutes dans la Victory Lane toutes les semaines pour célébrer sa victoire. C'est exceptionnel. Eux, ils dépensent pas un centime pour ça. Hein. Michael Jordan, il sait que ça fait partie du jeu. Donc à un moment donné, c'est fabuleux. Voyez ce qu'il dit Phoenix en NASCAR, ça va souder sévère. Non, Phoenix, c'est un circuit assez court, justement. Faut freiner et tout. Non, c'est un circuit qui est plus. Dans les ovales, c'est un ovale plus complexe. Daytona et Atlanta, c'était à fond tout le temps. C'était pas très difficile. Là, Austin, vous connaissez, c'est le même circuit que la F1. Enfin, c'est le même endroit que la F1 parce que c'est sur circuit court. Là, Phoenix, c'est un circuit qui est un peu différent, mais Reddick a déjà été pas mal à Phoenix. Hein. Il a joué le titre déjà, je crois, sur ce circuit-là. Donc, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri qu'il en gagne encore. Exactement. Mais après, c'est ce que tu disais pour le championnat. Tu prends quand même Bubba Wallace qui est deuxième. Mais ouais. Il fait que 2 top 10 et il fait 11e. Je crois qu'il fait 11e hein, dimanche. Ouais. Et juste parce qu'il a claqué des points sur les segments. Hein. Ben c'est ça, il prend les points sur les segments. Et il est deuxième du championnat. Après, tu regardes, en soi, il est. Enfin, tu regardes, t'as Reddick qui est le seul à avoir fait 3 top 10 cette saison. Évidemment, il gagne les 3 courses. Et derrière, 2, c'est le maximum pour le moment. Mais SVG, il est 5e du championnat. alors qu'on a déjà eu deux OL. Tu regardes un Zane Smith par exemple, c'est là où tu vois quand même qu'il y a des fluctuations qui vont se faire assez rapidement, parce que Zane Smith il commence par deux top 10 à Daytona et Atlanta. Là à Austin, bah, c'est un petit peu moins sa tasse de thé. Il est 14e du championnat maintenant, alors qu'il était 5e je crois avant d'arriver là. Et il a perdu 9 places, ouais. T'as Denny Hamlin, il est 23e du championnat pour le moment. Christopher Bell, 24e. Ça, c'est des mecs qui sont censés jouer le titre en fin de saison. Chase Briscoe, 27e. Tous des gars. Kyle Larson, le champion en titre, il est 15e pour le moment. Donc voilà, c'est des gars qui sont en ballottage, défavorable même pour certains. Tu me demandes, c'est quoi les points de segment? En fait, t'as trois segments dans une course de NASCAR. À la fin, les deux premiers, le top 10 marque des points. 10 points pour le premier jusqu'à 1 point pour le 10e. Et ce sont des points qui comptent au championnat. Et après, qui s'ajoute. Oui, c'est que Bubba Wallace, à chaque fois, il claque les segments. Voilà, Bubba Wallace, par exemple, il a gagné 34 points sur les segments pour l'instant. C'est autant que Ryan Blaney, mais c'est 13 de plus que Reddick. Mais sauf que comme Reddick a gagné les trois premières courses, bah, il y a 70 points d'avance au championnat, ce qui est normal. Mais c'est sûr que ça joue. Si tu regardes en stage points, tu vois, il a 2 points d'avance au championnat sur Elliott, bah, il a mis 9 points de plus sur les segments. Van Gisbergen, il a pris que 16 points sur les segments parce que lui jouait plutôt la gagne en fin de course, donc il devait, parce que, et ça c'est ce que j'aime bien, il restait en peloton aussi, voilà. Et puis c'est que là maintenant t'as un besoin d'avoir des stratégies en plus, c'est que t'as des courses, alors c'était peut-être un peu moins le cas sur les deux premières, mais là maintenant, et c'est un peu le cas à Austin, t'as des courses où les pilotes vont devoir commencer à décider, notamment dans le segment 2, est-ce que je cours pour aller chercher les points du segment, mais je me mets potentiellement dans de mauvais draps pour le troisième segment parce que je vais partir un peu plus loin, parce que je vais m'arrêter entre les deux, ou est-ce que je joue la victoire de la course en m'arrêtant plutôt dans le deuxième segment, mais avec le risque de se retrouver à ce moment-là dans le peloton. Donc t'as quand même une stratégie qui est demandée, qui est un peu plus compliquée qu'avant, parce qu'avant c'était un peu plus avant ils jouaient tous les points de segment à chaque fois, puisque tu savais qu'il te suffisait d'une seule victoire pour te qualifier pour les playoffs. Ouais. Et sauf que les segments t'amenaient des points pour les playoffs. Donc si tu gagnais des segments, tu gagnais des points de playoffs en plus qui restaient sur toute la durée des playoffs. Donc chaque tour, tu commençais avec 5, 6, 10, 15 points d'avance de plus que les autres. Donc ça, c'était super important. Et tu savais donc que tu pouvais... En gros, si tu faisais par exemple sur les 26 premières courses, tu gagnais les segments dans 24 d'entre elles, tu te faisais 40 points de segment en plus pour les playoffs. Et il suffisait que tu en aies une, tu dises bon, celle-là, je la gagne parce que j'ai la meilleure voiture, tu gérais ta stratégie pour et tu as gagné et tu passais dans les playoffs. Donc là, maintenant, tu es obligé de penser différemment. Et tu vas avoir, je pense, surtout en fin de saison régulière, des mecs qui vont commencer à devoir jauger ça correctement. À mon avis, il y en a certains qui vont vraiment se lancer dans les segments quand ils vont être 13, 14, 15, 16, 17e du championnat. Qui vont être aux alentours justement de la dernière place qualificative, ils vont commencer à vouloir aller chercher le plus de points possible, et ça va être assez intéressant à suivre, je pense. Quand tu regardes, Brad Keselowski par exemple, il est 12e du championnat, mais il a marqué que 9 points pour l'instant dans les segments, donc lui c'est surtout ses résultats en fin de course qu'il porte, donc voilà, ça, il va y avoir des choses assez chouettes à regarder, je pense, sur la suite de cette saison, et puis voilà, globalement quand même, le fait qu'on revienne à un système un peu plus porté sur les points et pas simplement sur un système à la football américain ou basket, c'est quand même vachement bien, ça fait quand même plaisir. Est-ce qu'on remettrait pas des craquitos, mon cher? Mais avec plaisir. Allons-y, bien sûr. Hop, je vais donc appuyer sur le bouton, mais ça il me dira que c'est long, hein. Voilà, mais si j'appuie, normalement c'est bon. Madame, monsieur, bonjour. C'est merveilleux, ça fonctionne presque exactement comme ça devrait. c'est rassurez-vous, rien de bien méchant. Quels sont tes cracketus, mon cher A, ce soir? Dis-moi tout. Eh bien, alors mon premier, forcément pour Reddick, on vient d'en parler. Évidemment. Hein. Sa troisième victoire de suite en NASCAR. Après, j'ai mis en cracketus, j'ai mis le duo Aprilia-Bezzecchi. Parce que Bezzecchi, pour sa victoire, et en plus il part en tête, il est intouchable, il creuse l'écart et après derrière il fait sa course, très belle course de sa part, et duo avec Aprilia parce que les autres pilotes Aprilia ont répondu présent aussi tout de même, et que du coup l'Aprilia ont sans doute très bien bossé cet hiver, donc craquito pour eux. Et j'ai rajouté tout à l'heure un petit dernier pour la moustache de Foster en IndyCar, qui est tout simplement sublime. Ah oui, allez. Ça, C'est de la belle moustache. Hein. Ça fait plus d'un an qu'il la travaille, Louis Foster, sa stache moule. Là, elle est prête. Là, c'est merveilleux. Et là, franchement, il a... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'air autant américain. Il est anglais. C'est formidable. Ouais, c'est merveilleux. Je vais essayer de vous la... Oh, j'ai une photo, là. Excusez-moi, mais ce que je vais vous montrer, c'est de la pure pornographie. Là. Cachez les enfants, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que là... On a rarement fait... Alors, Skyler O sur le Dakar a une meilleure moustache, je ne conteste pas, ça, oui, effectivement, ça, celle-là sera jamais dessus. Alors, c'est pas du tout le même style de moustache. Voilà, c'est ça. C'est que O, vous allez plus... vous allez travailler. Voilà, c'est une moustache artistique, si tu veux. Voilà. Là, c'est une moustache qui est dans la plus pure tradition. Là, c'est une moustache merveilleux. De trucker américain. Clairement. Là, c'est parfait, quoi. Avec la casquette, en plus, c'est merveilleux. Et il a trouvé le bon truc. Parce que le problème de cette moustache-là, c'est que si tu la raccourcis trop, ça fait pervers. Et là, il passe juste au point oncle sympa. Tu vois. Allez, c'est sur une fine ligne. Hein. Très, très compliqué. Ouais. Mais là, franchement, très, très belle. Non, très, très belle moustache. Bravo, Louis Foster. C'est une Freddie Mercury, nous dit James Smith. Voilà. Ah oui, j'allais dire, c'est une Fredo Mercure. C'est une Fredo Mercure pour l'instant, hein, complètement. Ouais. C'est pas mal. Et c'est surtout, en fait, ouais, quand j'ai vu, c'est en regardant justement la course d'IndyCar, quand j'ai vu sa photo pendant la course. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette belle moustache? Ah non, mais ça fait depuis l'an dernier qu'il l'a et que voilà, il a bien travaillé. Chapeau l'artiste. Il faut savoir admettre quand les personnalités font des bonnes choses. Et là franchement, sublime. Bravo Louis Foster. Donc un craquito bien mérité. Je profite pour vous dire que Gazou a mis Reddick et Acosta dans ses craquitos et Manu a mis Tyler Reddick. Alors, Manu, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc Emmanuel Touzeau, hein, qui fait des livres, qui passait aussi dans le Racing Café il y a 4, 5, 6 ans. Vous ne vous souvenez peut-être pas, vous n'étiez peut-être pas présent. Ah oui, monsieur Ulix, mais la moustache de Bottas, elle a maintenant. Elle en a vécu maintenant, elle a des années, des années d'expérience. Là, c'est alors que Foster, on sent que c'est encore la fougue de la jeunesse qu'elle a. Tu vois, il fait encore des expérimentations. Mais par exemple, si je vous cherche sur Google Jeff Gordon moustache, là, je peux vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, encore que je dis ça, je tombe sur le combo moustache coupe mulet lunettes. De soleil excessivement réfléchissante, je pense qu'on est au pic années 90 là pour Jeff Gordon. La photo arrive sur votre écran dans quelques instants. Encore une fois, cachez les enfants. Mais ouais, quand même. Hein. Ouais, je suis désolé, mais là, il y a du level. Hein. Là, clairement, c'est Dub et Dumber. Tu vois. Là, en fait, derrière, c'est Jim Carrey, pour ceux qui ne savent pas. Oui, mais alors lequel, le faux qu'on a eu au César ou le vrai? Moi, je suis perdu. Peak Male Experience, mais c'est ça. Non, mais là, franchement, voilà. Ah, mais Dale Earnhardt était évidemment imbattable en termes de moustache. Mais par contre, le vrai problème de Dale Earnhardt, c'est que il existe des photos de Dale Earnhardt sans la moustache. Alors ça, c'est impossible. Ça, genre de choses qu'il ne faut absolument pas montrer. Je vous le promets. Ouais, c'est vraiment des belles moustaches comme ça. Là. Après, c'est dur d'en faire. Il faut vraiment avoir le bon poil hein, pour faire des moustaches comme ça. Bah, c'est ça, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas du tout facile. Hein. C'est vraiment simple. Je me suis dit, la photo de 91, c'est pas possible. Alors, honnêtement, c'est Jeff Gordon. Ça, c'est la période Rainbow Warrior. On est entre 93 et 96. Vraiment. Là, par contre, Louis Foster, lui, c'est bien du 2026. Et ça, ça c'est très très fort. Chris que dit Axel a plus analysé la moustache que regardé la course. Oui, alors oui. Honnêtement, je ne le blâme pas vu la course. Vraiment, il n'y a aucun problème. Donc, chapeau. Alors, moi, j'en ai mis une pelletée de craquito, là, j'ai l'impression. J'en ai mis un pour Tyler Reddick, j'en ai mis un pour Alex Palou, parce que bon, c'est la première course de l'année, donc ça va. Au bout de 3 victoires, ça va nous casser les couilles, on arrêtera de lui donner. Mais là, bon, voilà, on se dit bravo Alex, chapeau l'artiste, c'est très bien. Romain Grosjean, parce que très bien. Voilà, et Denis Hauger, parce que le duo, là, je pense qu'ils vont faire des étincelles. Et la course de Tuk Tuk. Moi, je suis désolé, c'était très très bien. Très très bonne idée. Alors, très bonne idée. Sur le résultat, oui. Ça aurait été beaucoup moins une bonne idée si quelqu'un s'était blessé. Et franchement, vu la gueule des Tuk Tuk. Il y avait un risque hein, quand même. Donc voilà. Mais par contre, j'espère que ça va être décliné sur toute la saison. Au Mans, il faut qu'ils fassent du vélo avec avec des arrêts dans les bars locaux, si tu veux. Voilà, c'est une de nos spécialités. Ou un match de rugby. Éventuellement. Ou une dégustation de rillettes. Voilà. Je pose ça là. Lorna, si vous avez besoin, évidemment, vous avez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible pour vous donner des bonnes idées, surtout. Hein, c'est ce qu'on essaye un maximum. Non, les trottinettes électriques, ça, non, vous savez, j'ai même revendu la mienne. Ça y est, moi, le scooter, c'est fini. J'ai senti qu'il y avait un potentiel et finalement, il ne s'est absolument pas concrétisé. Je ne comprends pas. Très, très déçu. Mais que voulez-vous, c'est comme ceci, voilà, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous nous avez mis sur X, anciennement Twitter? Bah, allons justement y faire un petit tour. Mais ils vont penser à la France. Globalement, le football, ça fait pas français, ça fait international. Alors que le rugby, c'est un peu plus nos valeurs, c'est le monde de l'Ovalie, c'est... Voilà, c'est les bourre-pifs la troisième mi-temps. Voilà, ça, c'est quand même autre chose. D'ailleurs, ouais, craquito à Vincent Moscato, tiens. Parce que Vincent Moscato coincé à Dubaï, c'est assez exceptionnel. Au milieu de tous les autres qui disent « Ah mais s'il vous plaît, envoyez des avions là parce que nous, on va tous pour les faire. » Mais quel bonheur de trompette, moi je te dis, c'est tous les trompettes là, fermez vos gueules. Voilà, il a replacé l'église au milieu du village, donc bravo Vincent Moscato de cette prise de parole essentielle, une prise de parole coup de poing qu'on salue. En craquito, nos amis du Delcoy, Aprilia, Taylor Reddick. Aprilia, Taylor Reddick, Billy Bolt pour son sixième titre de champion du monde de super enduro, mesdames, messieurs. Et oui, c'est un petit peu l'Alex Palou du super enduro, si vous voulez. On fait ce qu'on peut. Craquito à Gazou pour son achat malin de caméra pour se nettoyer les oreilles. Non mais ne l'encouragez pas. Ne l'encouragez pas. Parce qu'après, il va venir nous présenter tout un tas de gadgets. Ça va devenir Jérôme Bonaldi. Moi, je ne vais plus savoir qu'en foutre. Là, je vous dis, ça va pas être possible. Craquito pour l'Olympique de Marseille qui me donne le sourire chaque année. Ils sont vraiment décevants. Dans ce cas, on peut mettre un craquito à Habib Bey qui a réussi quand même à se faire éliminer deux fois de la Coupe de France au Vélodrome, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc chapeau l'artiste. Et dans la même saison. Un craquito dans la même saison. Oui, parce qu'il y en a forcément plein qui se sont fait éliminer plusieurs fois au Vélodrome, mais là, dans la même saison, c'est très fort. Et un craquito à Jojo Zarco pour sa 11e place. Visiblement, c'est mérité. Craquito pour Alex Palou. Et un craquito de platine pour Rupteur, nous dit GGSP. Rien que ça. Puisque c'est vrai que son image. Qui aide à récapituler toute la saison de F1, elle est partagée partout et c'est bien mérité parce qu'il a fait du sacré bon boulot, encore une fois. Toutes les langues. Voilà, c'est incroyable. Quand j'ai vu le truc japonais, je me suis dit, bah, écoutez, à un moment donné, c'est. Et au début, j'ai cru qu'il s'était fait pirater. Hein. Parce que j'avais pas vu la version française, j'ai vu certaines langues et je fais, bah, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et moi, le pire, je vois vraiment qu'il s'était fait hacker. Je vois le tweet en japonais et tu sais, je vois la photo, mais en petit. Et je me dis, mais il n'est pas allé jusqu'à le faire en japonais sur l'image. Heureusement non. Fort heureusement, il est resté sur un alphabet beaucoup plus européen, parce que là, sinon, ça aurait été absolument aberrant, frérot. Donc, tout va bien, ne vous en faites pas. On dit platine ou platin. Ou platine. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on dit? C'est terrible, ça. Oh là là, arrêtez, mesdames, messieurs. Parce qu'après, il va y avoir des insultes et tout. Non, c'est très compliqué. Mais la référence est exceptionnelle. Craquito pour Reddick, Bamber et oui, Earl Bamber et Sébastien Bourdet qui ont fait de la Mazda MX-5 Cup, mesdames, messieurs. Ça, c'était très fort. Après, il y a Bezeki. Il y a NASCAR qui est dans The Crew Motorfest aussi. Un jour, il faudra que je lui mette à ce jeu. Hein. Craquito à Reddick, Craquito à Aprilia, Palou et Grosjean. Le podcast d'RTL de dimanche sur la saison de Formule 1, puisqu'il y a Gazou comme souvent, évidemment, on le salue bordel, qu'est-ce qui m'arrive ce soir, c'est pas possible. Allons voir sur Blue Sky, évidemment, hein, comme ça ils vont être contents, ils vont se dire tiens, une visite. Ils seront absolument ravis. que je regarde ça. Tac, Tyler Reddick, Alex Palou, Daikon, New Garden, Kirkwood, Lundgaard. La parade en tuk-tuk, merci Master Ferret de me dire que j'avais bien raison, évidemment. Palou et Reddick, et enfin. Alors on dit Krakito pour Sky Sports qui a compris que Danica devait dégager. Non, elle a l'air d'être sur la photo quand même, hein, Danica Patrick, donc à voir. Hein. Et enfin, Reddick et Aprilia de Crew est à 7€ sur Steam, Michael fait vite. Oh, mais je vais demander un truc presse, vous en faites pas, mesdames et messieurs. On va s'arranger, hein, ça sera plutôt pas mal. Bon, il est temps de passer au plat de résistance. Hein, il est 22h maintenant, écoutez, nous vivons sur les horaires de repas espagnols, hein, voilà. Mais il va être temps de vous dévoiler nos pronostics. Voilà, alors là. Autant vous dire que déjà que d'habitude, on n'est pas tout à fait glorieux là-dessus. Hein. Mais alors là, sur la saison 2026 de F1, bon, autant vous dire que ça s'annonce complexe. Alors, j'ai posé à mes petits camarades quelques petites questions. Donc on va vous donner ce soir, en exclusivité mondiale quand même, vous allez savoir qui va être champion du monde des pilotes, quelle écurie va être champion du monde, quelle écurie va faire dernière, quel pilote gagnera le plus de courses cette année. Et trois prédictions qui sortent un peu du lot, qui sont nos petites prédictions bonus. Donc vous allez aussi pouvoir mettre dans le chat si vous voulez, histoire qu'on parle un petit peu, mais le A, qui va être champion du monde de F1 cette année? Attention, roulement de tambour, parce que j'ai fait des super petits images à la con. Oh oui, c'est vrai, attention. Attendez, je le mets en plein écran, parce que là, je pense que ça va être exceptionnel. Non, j'ai pris des trucs de Google Images, j'ai fait très rapide. Ça m'a juste fait marrer. Pour moi, le champion du monde 2026 n'est autre que notre super Max Verstappen qui va avoir son merveilleux titre 2026. Je l'ai mis. J'ai hésité avec plusieurs autres pilotes que notamment Michael va évoquer. Mais en fait, j'espère et je pense voir à peu près la même saison que l'an dernier pour Verstappen, c'est-à-dire que ça va être vraiment de la constance, toujours présent sur le podium, jamais loin, etc. Mais en fait, c'est vraiment cette constance dans les points qu'on va se dire à la fin de la saison, mais en fait, il peut être titré. Oui, c'est possible. Voilà. Ouais. Je penserais vraiment à une petite saison comme ça. Donc voilà, ça reste mon petit favori. Alors non, je ne mets pas Leclerc parce qu'en fait, je porte tellement malchance que quand je parie pour quelqu'un, en général, il faut faire l'inverse. Hein, parce que l'an dernier, j'avais mis du Ferrari partout. Il y a 2 ans, j'avais mis du Ferrari partout. Donc cette année, on met du Verstappen. Comme ça, Verstappen est champion, je serais très content. Et si Leclerc est champion du monde, je serais encore plus content. C'est un raisonnement qui se tient. Hein, je le comprends tout à fait. Ah, mais je porte la poisse sur les paris. Donc voilà. Manu a mis George Russell, sachez-le. Et avec Gazo, nous avons mis Charles Leclerc. Et oui, je sais pas, je suis prêt à y croire. Mais ça va être quand même excessivement serré cette affaire et excessivement indécis, je pense, parce que il y a vraiment. En fait, le truc, c'est que on a fait des pronos avec la rédaction d'AutoHebdo il y a quelques jours aussi, et on devait nous faire le top 10 du championnat des pilotes. Et en fait, tu remarques que comme il y a quand même 4 équipes qui sont censées être vraiment au-dessus, bah ça te fait quand même 8 pilotes. Et même si on n'a pas encore eu vraiment des courses. Bah, j'arrivais pas à me dire, apparemment je crois que je l'ai mis Hamilton 6ème du championnat. Et à un moment je me dis, putain, mais c'est bas 6ème. Et en fait, quand je regarde devant, bah, il y avait Verstappen, Leclerc, Russell, Antonelli. Enfin, il y avait que des. Il y avait Verstappen, Leclerc, Russell et les deux McLaren accessoirement qui ont fait un E3 du dernier championnat. Donc en fait, tu te retrouves avec énormément de gens qui sont capables et tu peux, je pense honnêtement, faire une bonne saison et faire 7ème du championnat cette année. Donc on espère que ce sera comme ça. Parce que sinon, ça voudra dire que quelqu'un aura vraiment dominé. Mais voilà, avec Gazou, on a mis Charles Leclerc. On verra en fin d'année qui a raison. Le prono de Manu est pas dégueu avec Russell. Clairement, il y a moyen. Ouais. Après, le truc, c'est que, ouais, voilà. Là, en fait, tout le monde, concrètement, c'est ce qu'on dit. Concrètement, cette année, de ce qu'on peut voir avec les essais hivernaux, tout le monde a sa chance. Ah oui. Concrètement, tout le monde a sa chance. En tout cas, dans le top 4, parce qu'après, effectivement, bon, derrière. Oui, dans le top 4, je parle pas. Je parle pas d'Aston Martin, faut pas déconner non plus. Adrian Newey a dit oui, que selon lui, ils ont la 5ème meilleure bagnole hein, pour l'instant. Oui, bah la 5ème meilleure bagnole pour 20 tours. Voilà. Oui, bah c'est déjà pas mal. Alors, question philosophique, tiens. Est-ce qu'il vaut mieux avoir la 5ème meilleure voiture du plateau pendant 20 tours ou la 11ème pendant tout le Grand Prix? Voilà, je pose la question. Mais voilà, non, c'est vrai que. Ferrari et Leclerc, ça va être hyper intéressant de ce qu'on a vu, de tout ce qu'ils ont imaginé, de avec quoi ils sont arrivés. Mais on sait très bien que les mêmes avec les ingénieurs Ferrari, avec des perruques de clown et des nez de clown, ça va ressortir très vite quand il y aura une ou deux erreurs de stratégie. Ah bah oui. Donc, je reste calme là-dessus. Ouais, moi, je les sens pas, les erreurs de stratégie. Ils sont tellement... Ils avancent masqués, tranquilles. Oui. Je sens oui. un gros et truc des sweet-end. Et puis, il faut pas oublier que, normalement, l'an dernier, en Australie, ils étaient censés gagner la course. Oui, oui. Et qui s'arrête au mauvais moment. Voilà. Et qui mettent pas les bons pneus. Non, mais voilà. Pour ce week-end, je les sens bien. Moi, ce week-end, j'ai dit Russell va faire la pole et Leclerc va gagner le Grand Prix. Voilà. Et ben, ça va être merveilleux. Qui va être champion du monde des écuries, du coup, le A? Ah, alors par contre, champion du monde de constructeur, pour moi, ce ne sera autre que Ferrari, pour le coup. Là, pour le coup, oui. Oui, ce sera du Ferrari. Je suis très confiant là-dessus parce que c'est pour moi clairement la voiture la plus fiable et la plus au point pour finir toutes les courses. Leclerc et Hamilton vont faire des très bons grands prix. Donc je pense vraiment que là, cette année, pour le constructeur, Ferrari a vraiment sa carte à jouer. Bah écoute, Gazou et Manu sont d'accord avec toi. Et moi, forcément, comme j'ai mis Leclerc champion du monde, j'ai mis Mercedes chez les équipes. Donc, tu imagines un Hamilton pas du tout dedans. En fait, je pense qu'il y a un potentiel que les deux soient au-dessus du lot, les deux équipes. Mais que tu es, par exemple, Leclerc champion devant Russell et Antonelli et Hamilton 4. Ok, d'accord. Et que donc, ouais. La différence des deux fasse que Mercedes soit devant, mais je ne les vois pas. Je vois pas Mercedes avec 100 points d'avance parce que Hamilton sera 8e du championnat à la dérive complète. Mais je ne sais pas. Je préfère tempérer mes attentes d'Hamilton cette année. Même si je dois avouer qu'il a l'air beaucoup plus serein. La voiture lui convient aussi bien mieux. Je pense que le retour à un règlement qui se rapproche un peu plus de ce qu'il faisait avant est pas mal. Mais j'ai un peu de crainte sur tout ce qui est gestion de l'énergie, tout ce genre de choses. Et c'est ce qui me fait dire qu'un Verstappen aussi, par exemple, j'ai un peu peur pour lui, même si je sais qu'il sera très bon pour le faire. Mais je crains que des fois, ça le saoule tellement de devoir faire tout ça que ça puisse parfois un peu prendre le pas sur sa perf pure. Dans le sens où on sait que parfois, quand il a un peu de patience, Max, voilà, il peut aller faire la petite erreur, le truc. Et là, ouais. Bah, il va devoir faire du pilotage qui est quand même contre nature. Donc voilà, je me dis que ça peut peut-être lui poser quelques petits soucis. Et puis je crois aussi que la voiture sera juste un tout petit peu en dessous, en tout cas en début de saison. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des énormes changements en cours d'année, et vous verrez que ça on parle et notamment les dans les ont envie d'arriver, bon, voilà dans les prédictions qu'on va faire. Il y a certaines qui en parlent un petit peu. Qui sera dernier du championnat constructeur, le A? Manu a mis la même chose. Ah, alors, pour moi, j'ai mis quoi? Dernier, on va le remettre, hein, forcément, Martin. Aston Martin, dernier du championnat. À partir du moment où tu prévois que tu vas faire que 25 tours, comment tu peux être au-dessus d'un autre? Concrètement. Mais il y a 24 Grands Prix. Non, mais même, en fait, le truc, c'est que tu t'entêtes là-dedans, mais à partir du moment où, oui, la saison est longue, oui, il y a 24 Grands Prix, mais à partir du moment où tu commences ta première course, où tu dis que je ne pourrais pas la finir, c'est pas parce que tu vas finir les 10 derniers Grands Prix que tu vas marquer, tu vas gagner 1 et 2 à chaque fois. Oui, si ça arrive, franchement, c'est la plus belle saison du monde. Oui, mais pour pas finir dernier du championnat, il n'y a pas besoin de faire des doublés à chaque fois. Il faut marquer quelques points. Il y a 22 voitures. Oui, mais quand ils termineront leur premier Grand Prix en Hongrie, voilà. Comment tu peux dire qu'ils ne seront pas derniers alors que juste avant tu disais les 8 premiers, on les a déjà. Ça veut dire qu'ils marquent que 3 points par Grand Prix. Ben oui, mais tu vas voir avec ce que je vais dire tout à l'heure. 9 et 10 sur chaque Grand Prix. Oui, mais tu vas voir. Oui, exactement, t'es dans le déni. Ah bah oui, alors oui, excusez-moi, ça fait 13 ans. Oui. Oui, monsieur. Oui, madame, oui. Il n'y a aucun problème. Je suis désolé, mais là, il faut le dire, il faut l'avouer, mais Aston Martin sera dernier. Moi, j'ai mis comme Gazou, Cadillac. C'est le choix de la tête, c'est le choix logique. Voilà, Cadillac, ils vont pouvoir être très sympas. Ils vont être à 3 secondes ce week-end, voilà, c'est normal, ils apprennent, donc il n'y a pas de souci. Ils vont finir leur course, eux. Comment? Ils vont finir leur course. Mais oui, mais Encore une fois, dans mes trois prédictions, tu comprendras tout à fait pourquoi je dis qu'Aston ne sera pas dernier du championnat. Je serai peut-être encore plus dans le déni. Ça, je ne conteste pas. Qui aura le plus de victoires cette année ? Alors, par contre, pour le coup, là, alors c'est vrai que je suis parti sur des pronos. Là, c'est complètement différent. Alors, j'ai annoncé un George Russell avec le plus de victoires. Parce qu'en fait, je pense que la Mercedes va être très performante. Mais en gros, je vois... T'imagines un truc genre une victoire, un DNF, une victoire, un DNF, une victoire, un DNF. Voilà, concrètement. Parce que c'est vrai que ce moteur Mercedes, il a tellement fait parler de lui avec tout ce principe de taux de compression, de tout le bordel. On l'a tellement vu avec des problèmes quand même pendant les essais hivernaux. Alors bon, les essais hivernaux sont là pour ça aussi. On ne sait pas sur quoi ils travaillent. Oui. Des fois, ils travaillent sur des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Et les essais hivernaux sont aussi là pour travailler sur la fiabilité. Mais ce moteur Mercedes, quand tu vois les galères qu'ont pu avoir aussi un peu Williams et Alpine, c'est ça. Bon, après, c'est sûr que c'est un tout, c'est pas que le bloc, c'est comment tout est fait ensemble, comment est fait la voiture. Mais t'as l'impression quand même que ce petit moteur, est-ce qu'il sera vraiment très fiable sur la saison complète ? En fait, quand ça arrive à toutes les équipes motorisées par Mercedes et que, à côté de ça, Ferrari n'a quasiment eu aucun problème, ouais, c'est trop inquiété. Et on l'a tous mis Russell. Pour vous dire. Et je pense qu'on est tous à peu près dans le même délire qui est de dire que oui, il va sûrement gagner plusieurs courses, mais il va sans doute. Derrière, il y aura peut-être beaucoup de DNF. Ouais. Voilà, il va peut-être se faire avoir sur quelques abandons. Et alors, roulement de tambour, les trois prédictions. Je vais d'abord donner celle de Gazou et de Manu, parce qu'ils ne sont pas là pour les défendre. Donc c'est beaucoup plus facile de se moquer d'eux. Gazou dit que Aston Martin terminera devant Williams, Audi et Cadillac. Williams, j'aurais pas osé. Audi et Cadillac, un peu plus. Ouais, Imola sera au calendrier. C'est marqué des points. Imola qui est au calendrier, on rappelle qu'ils ne sont pas pour l'instant. Hein. Et Arvid Lindblad éteint Liam Lawson, les refs. Il a littéralement écrit ça en plus. Éteint Liam Lawson, voilà. Ce qui est très bien, parce que comme ça, à la fin d'année, peu importe le temps, il dira « Non, mais je peux vous dire qu'il l'a éteint quand même, voilà, ça dépend de comment on définit éteint. » Voilà. Donc en gros, il a fait ça juste pour marquer des points, il est content. Manu lui a mis que McLaren va rattraper Mercedes pendant le Grand Prix. Lui aussi est dans le déni, certainement, mais enfin lui, il a peut-être simplement déjà fini de fêter les deux titres de McLaren il y a deux jours, donc laissez-lui une petite chance. Il a déjà acheté la bouteille 2026. Oh oui, clairement, oui, aucun problème. Il y a une cave hein, maintenant à Jack Daniels. Fernando Alonso ratera au moins un Grand Prix et les pilotes vont clasher le Mad Ring. Oh, bah, ça, c'est facile, ça aussi. ça, c'est trop facile. Bah oui. Tout dépend de comment on indique qu'il est un clash ou non. Quelles sont tes trois prédictions, mon cher? Alors, ma première prédiction, c'est un truc que personne n'a parlé et ça, j'en suis persuadé. Ma première prédiction, c'est les As, cinquième meilleure écurie de la saison, chapeau. Toujours présent en bataille pour des top 5 et top 10. Concrètement, déjà, c'est une voiture très jolie. Je vais le dire toute la saison, je suis désolé. C'est une voiture très jolie. J'étais tellement heureux tout à l'heure de l'avoir mis en premier en fond d'écran. Mais franchement, le truc, c'est que As m'a semblé quand même relativement solide sur les essais hivernaux. Même si les temps chrono, t'as quand même une énorme différence sur les temps chrono. Par rapport aux meilleures écuries, hein, concrètement, c'est sûr. Mais Ocon et Biermann, je pense qu'ils ont la niaque. Repartir sur une nouvelle voiture, ça a peut-être donné plus d'espoir à Ocon par rapport à l'an dernier où il servait vraiment de voiture labo par rapport à Biermann. Et ensuite, ils ont un moteur Ferrari fiable par rapport à peut-être potentiellement d'autres moteurs, donc potentiellement grappiller des points à chaque Grand Prix et juste se pointer et sans rien remarquer, se retrouver 6-7, tu vois, 5-6, 6-7, 7-8, et toujours marquer quelques points à chaque Grand Prix, et ce qui va leur permettre de finir au moins 5e du championnat. Ça se tient complètement. Ça se tient vraiment sur la longueur de la saison et sur la fiabilité. Puisqu'on parle de fiabilité, la deuxième prédiction, c'est ceci ici présent, hein, les moteurs Mercedes les moins fiables. Vous connaissez, c'est compris de Darren, ça. les moteurs Mercedes les moins fiables de la saison, beaucoup de casse. Mais vraiment, en fait, quand je dis, j'ai pas dit Mercedes, je dis moteur Mercedes. Vraiment beaucoup de casse, plein de trucs, plein de problèmes. J'imagine vraiment un truc comme ça, où potentiellement, là, on verrait des Aston Martin se dire, hey, les gars, même si on roule très lentement, on finit un Grand Prix, on est devant plusieurs moteurs Mercedes. et la dernière prédiction, on revient sur une image qu'on a déjà vue, celle-ci, une prédiction que je pense va vraiment se dérouler parce qu'ils l'ont déjà fait. J'ai mis que Leclerc gagnait Monaco et qu'Hamilton gagnait Monza. Ce serait incroyable. C'est un truc fort probable et ça serait vraiment incroyable que ça arrive. Et franchement, pour moi, c'est alors souvent on part dans des prédictions un peu à la farfelue, mais celle-là, pour moi, elle est potentielle, elle est largement réalisable et j'aimerais. C'est une prédiction que j'aimerais vraiment du fond du cœur qui se réalise. Ah bon, oui, ce serait chouette quand même. Oui, ce serait ah oui, vachement cool. Alors, peut-être que le déni est là. Aston Martin terminera sur au moins 6 podiums cette année. Voilà. Ils gagneront pas une course, mais ils feront 6 podiums. Voilà. Mais à quel moment tu penses ça ? Mais parce que mais je crois sincèrement. À un moment donné, c'est Adrian Newey. Non, alors. Il peut se tromper, il n'y a pas de souci. Mais ils vont réussir à régler ces problèmes. Et à un moment donné, quand t'as. Je rappelle que la dernière fois qu'Adrian Newey a fait une voiture qui n'a pas fait un seul podium, c'est en 89. Toutes ces voitures, même la McLaren de 2004 qui avait le pire moteur possible qui cassait toutes les 3 secondes, a réussi à gagner des Grands Prix en fin d'année et à faire des podiums. Une fois qu'il va réussir à faire en sorte que la voiture marche et que le moteur fonctionne avec, je pense que ça va très bien marcher. Question. Très bonne question. Est-ce que tu penses que avec son nouveau boulot de... Il est team principal, hein, maintenant. Oui. De toute façon. Est-ce que tu penses qu'avec son boulot de team principal, il est perdu du temps sur la conception de la voiture parce que maintenant, il doit faire autre chose en même temps? C'est assez possible. Oui. Ça, je pense qu'effectivement, de l'avoir mis à cette place-là, on en parlait déjà en dernier, c'est pas forcément ils le meilleur... Ils auraient pu laisser en designer, ingénieur classique. Pas sûr que ce soit le meilleur en termes de meneur d'hommes. D'un côté, s'ils l'ont mis à la place d'Andy Cowell, ça veut peut-être dire beaucoup sur Cowell qui faisait peut-être pas l'affaire. Donc voilà, à voir s'ils l'ont mis finalement. Parce que par exemple, on avait un mec qui est arrivé chez Alpine, là, qui avait un team Suzuki, qui était champion du monde, qui est arrivé chez Alpine. Ah non, arrêtez. Hein. Et qui là, il se retrouve quand même patron de Aprilia Trackhouse. Et ça marche bien. Qui fonctionne très très bien. Mais tu, au pire, tu calais hein, David Desbrivio. Enfin, tu mettais juste un nom pour mettre un nom et tu laissais Newey derrière gérer le bordel. Tu vois. Ouais. Non, mais en fait, même c'est tout con. Mais honnêtement, même un Christian Horner, même si évidemment le mec est décrié. Après, sur bien. Ah, c'est un personnage décrié. Putain, mais il y a Flavio Briatore qui est chez Alpine, donc m'emmerdez pas. Ouais, non, totalement, bien sûr que oui. Bien donc, sûr que oui. Je pense qu'un Horner, ça aurait pas été si con. Après, Horner et Newey, je suis pas sûr qu'ils ont envie de, bosser ensemble pour le moment. Mais tu vois, je pense qu'on dit Newey est vieux. Mais oui, mais. Encore une fois, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure avec. Tu deviens moins intelligent. Voilà, c'est comme on parlait tout à l'heure avec les mecs en IndyCar, avec les ingénieurs de chez Delcoin. Alors oui, effectivement, il prend de l'âge, Adrian Newey, il y a pas de souci. Mais l'aérodynamique, ça reste de la physique, ça reste un domaine qui évolue certes, mais il évolue plus parce qu'on fait des découvertes plutôt que il y a des nouveautés réelles. Les lois de la physique, c'est un truc qui ne change jamais. Donc ça, au moins, voilà. Donc, Newey, si c'était un génie à 25 ans, il sera toujours un génie maintenant à 60 piges. Je veux dire, il n'y a pas de changement là-dessus. Et je pense qu'effectivement, voilà, ça va être très difficile au début. Mais déjà, c'est tout con, mais franchement, si avec le niveau actuel du package... Là, c'est un très grand si hein, que je veux dire. Hein. Pour le même prix, ça va être un désastre. Hein. Mais si ils arrivent à faire s'ils sont vraiment la cinquième meilleure force du plateau, comme le dit Newey, et qu'Alonso arrive à claquer une Q3, alors, ça sous-entend qu'il n'ait pas trop de problèmes en essai, et que sa voiture tienne en Q1 et en Q2, et soit assez rapide, et puisse recharger les batteries, et puisse déployer ça sous-entend beaucoup de choses. Ouais. Mais je me dis, si justement, avec une voiture qui est pour l'instant pas capable de recharger les batteries à fond, d'utiliser la pleine puissance du moteur électrique, tout ça, ils arrivent déjà à la foutre en Q3, par exemple. Ça ne peut qu'être une bonne nouvelle le jour où ils auront réussi à régler tous leurs problèmes. Alors, oui, mais ce scénario-là, il faut qu'il se produise. Ah oui, mais voilà, alors bien sûr. Encore une fois, il y a un vrai monde où ils sont à 5 secondes de tout le monde en Q1 et c'est un désastre. Après, je suis d'accord. Voilà, là où tu pourrais avoir raison, c'est potentiellement oui, sur la fin d'année. Ah oui. S'ils arrivent à comprendre quelque chose, en fait, ils se disent, en fait, on fait juste le tout pour le tout. C'est qu'on fait un moteur par Grand Prix. Et que, en fait, à un Grand Prix sur deux, tu vas prendre ton moteur, tu vas prendre ta Pena parce que tu as changé ton moteur. et tu vas l'économiser, tu vas abandonner au bout de 20 tours, et tu sais que le week-end d'après, tu as un moteur qui est nickel. Voilà. Et que là, tu peux te dire, bah, je joue un podium parce que j'ai un bon moteur. Et le week-end d'après, bah, tu refais la même. Tu changes de moteur, tu l'économises, et puis tu repars sur un autre. En fait, c'est un pur tech qu'ils ont, c'est ça ? Oui, c'est ça le problème. C'est un peu le souci, c'est qu'ils savent qu'il ne va pas y avoir très longtemps. Alors, on dit dans quel monde ils sont Q3. Mais encore une fois, je vous ai dit, si effectivement, c'est leur. Enfin, leur châssis est le cinquième meilleur, et. Il suffit que le moteur Honda marche bien sur trois tours dans une séance, hein, c'est tout. Tu vois, c'est tout con. Mais par exemple, effectivement, aux essais de Bahreïn, ils étaient à 4 secondes des temps et c'était à ramasse. Mais en même temps, ils n'ont jamais réellement essayé de faire une perf en qualif, puisque ce qu'ils essayaient déjà de faire, c'est de faire en sorte que le package fonctionne sur une simulation de course. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ça, on est d'accord là-dessus. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dimanche, ça va être hilarant. Ça, voilà. L'abandon va être formidable à regarder. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je dis qu'il y a, voilà, il y a peut-être un moyen. Et rappelez-vous de 2009, quand Hamilton, en Grande-Bretagne, il est 16e, le gars. Champion du monde en titre avec la McLaren, il est 16e en Grande-Bretagne. En fin d'année, il gagne à Singapour, il gagne. Enfin, tu vois, c'est une année qui est marquée par un énorme changement de règlement. Donc, il y a moyen que tu aies quand même des grosses fluctuations. Là, évidemment, le problème pour Aston, c'est que, par exemple, McLaren et Ferrari et tout ça, ils se battaient contre Red Bull qui avait jamais joué un titre et contre Brown qui n'existait pas 3 mois avant. Donc forcément, les mecs ont commencé à, pour Brown, baisser en performance et Red Bull, ils étaient un peu inconstants. Donc tu pouvais mieux... Là, tu te retrouves face à Mercedes, McLaren, Red Bull et Ferrari qui sont au top depuis des années et qui commencent à savoir comment ça marche. Mais vraiment... tu me dis, j'ai pas compris les souhaits de vibration d'Aston Martin. Ah, bon, c'est pas compliqué, le moteur il vibre, donc toute la voiture elle vibre. Ouais. Et puis à un moment donné, à force de vibrer, bah, les pièces, elles disent de merde. Voilà. En fait, si tu veux, c'est que potentiellement, par exemple, pour éviter, par exemple, toi dans ta voiture, pour éviter que ça vibre à l'intérieur, bah, tu mets ce qui s'appelle les cylindres blocs. Tu en as un peu partout sur ton moteur. Là où est posé ton moteur sur ton châssis, tu as des cylindres blocs. Donc en fait, c'est juste des supports en caoutchouc qui vont absorber les vibrations. Tu en as aussi sur les échappements, tu en as un peu partout. En moto, tu n'as pas de cylindres blocs au moteur lié avec le châssis, mais tu as les cylindres blocs qui tiennent ton échappement pour éviter les vibrations de ton échappement, par exemple. Ces cylindres blocs-là, bah, en fait, tu vas en mettre pour éviter ces vibrations. Et c'est, là, le problème, c'est comme si, par exemple, ils avaient foutu le moteur sans cylindre bloc, ça fait vibrer, mais du coup, ça fait tout vibrer. Mais quand ça vibre comme ça, ça te fait beaucoup de caisses de résonance. Et donc, potentiellement, tes pièces ne vont pas fonctionner pareil, parce que bah, des vibrations, c'est quoi ? Ça peut, un moteur, ça, les injecteurs ou quoi, ça oscille. Et en fait, tu vas avoir beaucoup de vibrations, donc potentiellement, tu peux gêner tes injecteurs et tu vas gêner des autres pièces et tu vas gêner des autres pièces et tout va se mettre à vibrer et ça va faire, on va dire par exemple, je sais pas, beaucoup de bruit, on va pas appeler ça du bruit. Ça fait des oscillations en fait tout le long. Ouais. Voilà, et en fait, ça fait du bruit, et c'est comme si tu te retrouvais en boîte de nuit, que tu essaies de discuter avec quelqu'un et que le mec monte le son de plus en plus fort et que tu n'arrives plus à t'entendre. Et bien concrètement, ça fait le même principe. C'est ça. Et en fait, le problème de l'Aston, c'est qu'il y a ces problèmes de vibration du moteur qui. L'avantage, on est en saison 1 de ce règlement, donc ils peuvent modifier pas mal les moteurs, donc ça, tu peux encore l'avoir. Le souci, c'est que, Newell a dit, le package mécanique de la voiture fait que... En fait, le problème, c'est que, là, on parle des mains des pilotes, hein, les fameux dégâts au système nerveux là, qui peuvent arriver, ce ne sont pas les vibrations du moteur qui sont répercutées là-dessus. Le moteur, les vibrations qu'il a, déglinguent surtout la boîte de vitesse, enfin, vraiment tout ce qui est à l'arrière de la voiture. Là, ça crée effectivement toutes ces différences d'oscillation et quasiment d'harmonie du moteur, hein, finalement. Hein, et donc ça cause des gros problèmes. Par contre, le châssis en lui-même, dans la répercussion de ce qui se passe du moteur sur le reste de la voiture, là, par contre, le châssis a un petit loup également, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ça qui fait que, comme ça vibre jusque dans la colonne de direction, jusque dans le volant, c'est ça qui fait que les pilotes se retrouvent avec des difficultés vraiment pour tenir le volant. Et en fait, les mains et les pieds qui s'endorment un peu, parce que justement, ça vibre tellement, bah, à un moment donné, voilà, tu perds de la sensation au bout des doigts. Donc, encore une fois, voilà, c'est un truc où, effectivement, la situation est très catastrophique. Mais je pense qu'il y a quand même un moyen de la rectifier. Et vraiment, s'il y a une personne en qui j'ai une totale confiance pour prendre une voiture de course et en faire une meilleure voiture juste d'un point de vue châssis, c'est New Way. Parce que toutes ces voitures, même quand il a eu des mauvaises autos au début de saison, il arrivait à les faire évoluer. C'était ça qui était important. C'est qu'il arrivait à trouver les solutions, machin et tout. Encore une fois, on parlait, la voiture de 2003, il a aussi, c'est pas... Oui, effectivement, la McLaren 2003, elle n'a jamais roulé en Grand Prix, voilà. Mais tout le monde voit ça et montre ça comme un immense échec d'Adrian Newey. Je rappelle qu'à côté de ça, il développait la voiture de 2002 qui allait chercher quasiment le titre avec Raikkonen. Hein. Donc, c'était pas non plus... Voilà, la saison finalement a bien tourné. 2004, la voiture arrive, et ben c'est une catastrophe. Mais ils ont travaillé avec Mercedes pour justement améliorer les choses. Et en fin d'année, elle est très performante, la McLaren. Et Raikkonen ne gagne pas. Donc, c'est pas impossible. Mais, voilà, pour l'instant, c'est sûr que ça semble... Quand je dis qu'il y aura au moins 6 podiums, c'est 6 podiums sur 24 Grands Prix. Hein. C'est pas 6 podiums sur les 10 premières courses. Hein. Là, par contre... Ça n'arrivera pas du tout. Colapinto ne finira pas la saison. Attends, Aston aura 6 podiums. 6 podiums d'Alonso ? 3 d'Alonso et 3 de Stroll. Je laisse à Stroll la possibilité d'en faire un comme ça sur le Grand Prix où il y a toujours une course dans l'année où il se réveille et il croit que c'est Ayrton Senna. Donc voilà, ça marchera. Après, Alonso fera les autres. Hein, faut pas s'inquiéter. Azerbaïdjan au pif. Voilà. Mais Colapinto finira pas la saison. Ça, par contre, bon, ça, je pense que. Quand remplacer par qui ? Bah. J'ai un peu de mal à savoir par qui, du coup. Par personne, on met plus qu'une voiture. Bah, y a Paul Aron hein, qu'ils avaient en pilote de réserve et qui, franchement, pour moi, était pas loin de le remplacer en fin d'année. Donc, t'as Paul Aron et t'as Alex Dunn quand même, parce qu'ils ont intégré Alex Dunn dans leur académie. Lui qui avait pas fait une saison dégueu en F2 l'an dernier. Donc, pourquoi pas, ils ont au moins un peu de capacité à prendre des gens pour le remplacer s'il faut. Ouais, mais est-ce que ça sera mieux ? Ah, mais ça. C'est ça le problème. Ma prédiction, c'est pas marqué. On a quand même viré Douane pour perf, pour mettre Colapinto qui a pas fait mieux. Moi, j'ai pas dit Colapinto ne finira pas la saison et son remplaçant fera mieux. J'ai mis Colapinto ne finira pas la saison. Moi, après le reste, j'en ai rien à foutre. Oh là là là là. Malheureux. En fait, Colapinto, t'as des contrats de 6 mois. C'est ça, c'est du CDD. Hein. Et moi, j'ai mis que la saison fera 23 Grands Prix. Voilà, je parie sur une annulation qui sera pas remplacée. Mm-hmm. Mais, à mon avis, on pourrait quand même avoir un. On pourrait quand même d'ailleurs, avoir un Grand Prix de remplacement. Ouais. En parlant de ça, c'est Barcelone qui a signé là pour un an sur deux maintenant. Oui, il alternera avec Spa-Francorchamps. C'est étonnant, mais c'est le cas. On demande si Alex Dunn a la super licence. Écoute, il finit 5e de la F2 l'an dernier. Et est-ce qu'il fait la F3 en 2024, Dunn ? Je ne sais plus du tout. Tac, je regarde ça. Alex. Ah non, il fait 14e de F3. Non. Ah, il n'a peut-être pas les points de super licence, Dunn, effectivement. Je pensais qu'il était meilleur en F3. Il n'a peut-être pas les points de super licence encore. Mais lui a peut-être. Attends, parce que Alex Dunn, l'avantage, c'est qu'il a fini 5e de la F2. Et donc, les points de super licence actuellement. Oui, alors, il n'a pas les points. Mais 5e de F2, ça te donne. Ah, que 20 points. Ah oui, merde. Ouais, non, donc là, il peut même pas aller chercher les points en essai libre. Ouais, j'allais dire, au pire, il va chercher en essai libre. C'est ça, mais non, en fait, les trois premiers ont la super licence, 40 points. Et après, c'est 30 pour le quatrième et 20 pour le cinquième. Donc, non, effectivement, on sera sûrement pas là, alors, s'il se fait remplacer. Et on dit Madrid annulé. Ah non, c'est pas sur le Madrid que je parie, là. Non, non, soyons honnêtes. Dans l'état actuel des choses, je vois pas comment on peut aller au Bahreïn et en Arabie Saoudite. Et puis, Abu Dhabi et tout. Soit prise rapidement. Bah c'est ça, parce que les voitures vont être bientôt envoyées le fret. Hein, donc, et Abu Dhabi, Qatar et tout ça en fin d'année, ça nous laisse le temps pour que la situation s'améliore, aussi malheureusement pour que la situation empire. Mais je pense qu'on va réussir à nous caser un petit mot là pour remplacer l'un des deux, qui seront annulés. En fait, je pense qu'ils vont annuler, enfin décaler Bahreïn et Arabie Saoudite, qui vont mettre Imola à la place de l'un des deux. Ou un Portimao, ou en tout cas quelqu'un, voilà, pourra se dévouer en Europe. Et ils auront suffisamment de temps pour faire pareil pour la fin de saison. Ouais. Parce que, imaginons le Qatar est annulé, d'accord, mais le Qatar c'est en novembre. T'as largement le temps de trouver des solutions. Istanbul aussi, par exemple, hein, qui voudrait revenir. Enfin voilà, t'as plein de possibilités. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Après, bon, il y a aussi toutes les courses aux États-Unis qui vont rendre la chose potentiellement complexe. Mais on va en parler dans les news de ça, ne vous en faites pas. Voilà, donc on a fait nos pronos, on reviendra vers vous au mois de décembre pour voir qui avait raison. Ah, exactement. Voilà, mais alors après, Axel peut déjà... Axel, dès Monaco, on saura si l'une de ces trois prédictions, de toute façon, passe ou pas, hein, donc au moins c'est pratique. Et puis, on saura. C'est quoi, c'est au mois de juin, on verra ça. C'est en juin. Ouais. Et bon, on saura, dès que Colin Pinto est viré, on pourra m'accorder des points. Voilà. Donc, faut que ça arrive. Peut-être avant Monaco. mais peut-être que dès le Japon, on valide des points pour moi. Hein, je serais pas mécontent. On verra ce que ça va donner. Allez, on va passer aux news désormais. Il y en a quelques-unes. Et effectivement, on va parler, bien sûr, de la situation actuelle. La guerre mondiale dans le monde, c'est tout de suite. Hein. Alors j'appuie là-dessus, ça ne marche pas, c'est normal, donc j'appuie là. Les news donc, et effectivement, le Qatar qui n'accueillera pas la manche d'ouverture du WEC, qui est reportée. Alors voilà, évidemment, les gens disent « Oh là là, mais il faudrait annuler tout de suite ». Non mais, vous croyez que c'est si facile que ça? Non. On reporte un événement et on attend de voir comment la situation se décante. Mais donc c'est évidemment en réponse à la situation au Moyen-Orient. Qui s'est embrasé, c'est le moins qu'on puisse dire, ce week-end. Le WEC était dans une situation qui était réellement impossible, parce que, comme avec toutes les choses de Donald Trump depuis son élection, on se rend compte que ça bouge vite quand même. Hein. Tu remarqueras que le mec, ça part dans un sens, ça peut très vite repartir dans l'autre. Il peut très soudainement, dans trois semaines, dire « Ah bah c'est bon, on a trouvé un accord, machin, enfin bon... Il peut très rapidement annoncer « Ah non, mais c'est bon, il me donne le prix Nobel de la paix, donc voilà, j'arrête d'attaquer tout le monde, c'est super. » Bon. Mais le problème, c'est que le WEC donc, devait y aller pour le prologue le 21 et le 22 mars, et la course une semaine après. Les voitures, elles devaient partir demain. Ouais. Avec le fret. Tu peux pas faire partir ton fret pour annuler, arriver là-bas. Ou c'est ça. Et de toute façon, le fret actuellement ne peut même pas partir puisque tu ne peux pas le faire atterrir au Qatar. Plus. Hey, c'était interdit de survol. Et si tu l'envoies maintenant... Il y en a un qui a le droit, c'est Max Verstappen. Oui, évidemment. Mais si tu... Lui, clairement, il s'en fout. Mais si tu l'envoies maintenant, même en bateau, bah, il arrive en 8 mois. Donc bon, globalement, c'était pas possible. Et il y a effectivement déjà des kits qui étaient déjà partis il y a quelques semaines, en bateau notamment. Donc, tu pouvais à la rigueur pousser jusqu'au 10-11 pour que les voitures arrivent pour le 22. Mais au-delà de ça, c'était trop compliqué et rien ne dit que le 11 mars, soudainement, toute la situation sera rétablie. Et donc, voilà, donc c'est la bonne solution, la sage décision de reporter l'événement. Les Qataris ont compris tout ça. Tu ne peux pas annuler parce que ça coûte beaucoup trop d'argent. Tu ne peux évidemment pas annuler. À un moment donné, si tu annules, t'es immédiatement en rupture de contrat. Et surtout, le WEC, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Qatar et Bahreïn payer énormément pour les calendriers. Oui. Et je sais que des voix vont s'élever en disant mais c'est un scandale. À un moment donné, les gars, c'est peut-être polémique ce que je vais dire, soyez très contents qu'il y ait des pays du Golfe qui décident comme ça de financer le sport, hein, et de financer le WEC en particulier. Parce que très honnêtement... Le Mans et Fuji. Et voilà. À un moment donné, c'est un championnat qui n'a entre guillemets vraiment que les 24 heures du Mans pour énormément rayonner. Tu prends tous les gens qui veulent t'accueillir. Je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si demain, l'Arabie Saoudite veut faire une course de WEC à Jeddah, ils le feront. Enfin, pas demain, du coup, parce que c'est tendancieux. Mais si dans les années à venir, ils veulent le faire, ils le feront. Parce que voilà, c'est con, mais ça aide aussi les équipes, par exemple. Ils sont pas encore en train de construire un nouveau circuit pour rien. Mais c'est ça. En plus, voilà, ils voudront forcément... Et, pour l'argent que te donnent ces pays-là pour organiser des courses, tu peux le répercuter de manière positive sur les droits d'engagement et ainsi de suite. Si tu dois sortir de ta poche de l'argent pour toutes les courses de l'année, bah forcément les équipes vont dire voilà. Mais quand tu dis bon bah écoutez, pour le Qatar et pour Bahreïn, on peut se charger du fret, on peut se charger de beaucoup plus de choses et la facture ne sera pas aussi élevée, bon bah voilà, ça aide quand même tout le monde. Donc encore une fois, soyons heureux qu'il y ait tout ça. Mais ils mettent beaucoup d'argent et t'as quand même une situation qui a un peu d'association entre les deux. Enfin, tu veux encore plus les ménager, ce qui est normal. Et tu vas pas juste venir leur dire « Ah ben on annule, on se barre. » Ben, les mecs vont dire « D'accord, ben, vous nous devez tant. » Et là, le WEC, il va avoir du mal à s'en mettre. Donc, on reporte. La situation est aussi aidée par le fait que, par exemple, le championnat de football qatari c'est immédiatement mis en pause. Donc, tu as aussi ce côté où les autorités qatariennes du circuit peuvent dire « Oui, mais la situation fait qu'on ne peut, on est derrière cette décision d'annuler, enfin de reporter. Ça a été pris de concert. » Donc, voilà, c'est assez normal. Maintenant, une autre question, parce que, évidemment, tout ça n'est que assez dérisoire par rapport aux vraies problématiques qui se passent dans la région actuellement. Mais si on reste quand même concentré sur notre petit sport qui est le sport automobile, il y a une vraie question de savoir quand est-ce que tu repousses la course si tu peux la faire plus tard dans l'année. Mais parce que le problème... Le problème, c'est que tu pourrais dire en hiver, ça, ouais. Ok. Mais Bahreïn, ils mettent pas mal d'argent pour être la dernière manche du championnat et le rookie test le lendemain. C'est ce que j'allais dire, tu le mets en fin d'année, mais du coup, c'est que tu... Donc, si tu le mets après Bahreïn, potentiellement, ils peuvent gueuler un peu. Et donc, tu vas devoir trouver comment ménager les sensibilités de chacun pour que Bahreïn accepte de laisser passer cette place de dernière course du championnat une année, en expliquant, voilà, sans doute en leur faisant une ristourne. Ou alors, tu la mets de la semaine avant. En gros, tu la mets fin octobre. Ouais, mais... Rappelle, les équiperaient sur place et tu bascules. Rappelle-toi le Grand Prix de F1 au Qatar fin octobre, ça avait morflé hein, en termes de météo. Le meilleur endroit actuel pour organiser la course dans le calendrier tel qu'il est fait, c'est le mois d'août. On va oublier le mois d'août hein, parce que bon. Je pense que les températures au Qatar au mois d'août, on va tous les perdre. Hein. Donc, idéalement, ce serait l'hiver. Ou alors, ils climatisent le circuit. Ils ont bien climatisé les stades. Voilà. Tu mets des énormes clims sur le côté. Souci, hein. Et voilà. Alors après, il faut trouver comment tu intègres ta clim dans ton mur de pneus. Ça, je reconnais que c'est... Techniquement, il y a quand même des choses à faire. Mais voilà. MMG qui dit Bahreïn et Qatar sont dans le même bateau. Je crois qu'à Bahreïn, il fait un tout petit peu moins chaud. Mais Bahreïn, rappelez-vous, il y a quelques années, ils avaient fait deux courses de suite à Bahreïn quand il y avait eu le Covid. Ils avaient organisé deux courses. Une à la date normale début novembre. Ah, pour la guerre, oui, effectivement. Et une fin octobre pour la semaine d'avant. Et fin octobre, ils avaient tous été mais déglingués, les pilotes. Quoi. Ils n'en pouvaient plus. Alors que dans novembre, ça s'est mieux passé. Oui, pour la guerre, forcément, oui, c'est pas... De toute façon, pour la guerre, tous les pays de cette zone-là, de toute façon, ne peuvent pas accueillir de course automobile pour le moment. Moi, ce qui m'étonne, je vais être honnête, c'est que la FIA a pris la parole très tôt en disant « on surveille la situation, on pense aux victimes, ainsi de suite ». Le WEC a tout de suite pris la décision de reporter sa course. Et le MotoGP. Et MotoGP. Il n'y a pas un mot. Il n'y a rien. Je rappelle qu'ils sont censés faire le Grand Prix du Qatar le 12 avril prochain. Ouais. Dans un mois. Il n'y a pas un mot. Pas une pensée. Que dalle. Alors, eux, en plus, potentiellement, c'est le seul Grand Prix qui poserait problème sur le calendrier. Oui. C'est le seul endroit où ils vont. Puisque les autres pays du Golfe n'ont pas le MotoGP. Voilà. Et alors après, oui, le problème potentiel, c'est de se rendre en Indonésie, de se rendre en Malaisie, au Japon. Bah, tu détournes, c'est l'avantage. Là, par exemple, l'Australie, pas mal de personnes... Voilà, pas mal de personnes passent par Dubaï pour aller en Australie. Bah, ils ont pris les devants, ils ont changé les procédures, et voilà. Mais le MotoGP... silence radio. Donc on verra ce que ça va donner. Parce que surtout qu'eux, ils font quand même l'enchaînement US à Qatar. Hein. Ouais. C'est audacieux. C'est, dans la situation actuelle, c'est audacieux. Là, tout de suite, je veux dire, il n'y avait que un Grand Prix de l'URSS et un Grand Prix des États-Unis back-to-back en 82 qui auraient été plus risqués, si vous voulez. Donc, chapeau. Hein. Je suis pas sûr qu'il se fera quand même, hein, ce back-to-back, mais on n'est pas à l'abri. Donc voilà, ça effectivement, bon, c'est la grosse situation actuelle. Et on verra, de toute façon, ça, c'est malheureusement, il faut voir comment ça va évoluer. Hein. Ça, on peut être que spectateur de ces décisions-là. Et voilà. Puis si vous savez, ça se trouve, dans 3 semaines, on vous fera Racing Café en lui disant nous sommes en guerre. Alors bon, hein, problématique de... Donc problématique de on fait pas le Grand Prix, mais bah moi écoutez, je suis en train de manger une ration militaire, donc à un moment donné, voilà. Hein, bon, Il y a moins bien. Hein. Donc on fera ce qu'on peut. En Formule 1, les taux de compression vont donc changer le 1er juin prochain. Enfin, les taux de compression, non. La mesure des taux de compression. Et alors ça, on m'a expliqué toute la situation. Parce que c'est un bordel. Donc on rappelle. Tu ne peux pas avoir un taux de compression qui dépasse un rapport de 16 pour 1. Ou de 1 pour 16. Je ne sais jamais comment on le dit exactement. 16 pour 1. 16 pour 1. Bon. Ce taux de compression actuellement est mesuré à froid, donc quand le moteur n'a pas encore démarré. Sauf qu'évidemment, un moteur c'est fait de pièces qui peuvent se dilater sous l'effet de la chaleur. Et donc Mercedes a trouvé un petit subterfuge pour augmenter son taux de compression à chaud et donc extraire plus de puissance de son moteur. Les autres équipes ont dit bon, c'est pas cool quand même. Hein. Et apparemment, d'après les informations de Auto2, ce que les autres équipes ont proposé, c'est de dire bah alors puisque c'est comme ça, on fait tous le taux de compression à chaud. Parce qu'en fait, les autres équipes, elles ont vu ça, elles respectent évidemment le règlement du taux de compression à froid. Mais si, par exemple, tu peux augmenter ton taux de compression quand le moteur chauffe, tu peux aussi le diminuer. Et donc, si tu choisis de mesurer à chaud, rien ne t'empêche d'avoir un taux de compression plus élevé à froid et d'en bénéficier sur les débuts Grand Prix le temps que ton moteur chauffe. Et donc, les équipes ont demandé ça. Et Mercedes, depuis le début, de toute façon, ils font entendre bah, faites ce que vous voulez, de toute façon. On est sûr de nous. En fait, le problème, c'est que t'as l'impression que c'est faites ce que vous voulez, de toute façon, on va gagner. Voilà, donc, vraiment, allez-y, hein, c'est pas important. Mais à un moment, ça commençait quand même à le piquer un peu. Hein, tout au bah fin. Oui. Et la FIA leur a dit bah, pas de soucis. On vous propose un vote, on va mesurer les taux de compression à chaud. Les équipes disent génial ! Et à froid ! Pardon ? Et elle dit mais c'est pas ce qu'on a prévu. Et donc là, on est quand même dans une situation qui est exceptionnelle, où globalement, la FIA, tout ce qu'elle va dire, c'est bah, votre moteur doit être légal de A à Z. On va le mesurer à A et à Z, justement. Les mecs sont pas contents. Et en 2027, ils vont simplement les mesurer à chaud. Il n'y aura plus la mesure à froid. Ouais. Bon, tout un bazar. Mais donc, ce sera à partir du 1er juin. Donc, le Grand Prix de Monaco sera le premier qui se disputera avec ce règlement-là. Où il faudra avoir donc un taux de compression qui est réglementaire à chaud et à froid. Alors, sachant que leur mesure à chaud sera faite à 130 degrés. Oui. Là, on en parlait la semaine dernière. Ça. Voilà, le moteur pouvant atteindre 150, tu auras encore une petite marge de manœuvre si tu veux jouer. Mais elle sera très restreinte et avec le risque que ça ne redescende pas assez à 130 degrés. Quoi. Donc, c'est assez compliqué. Marius qui dit ça se prétend spécialiste de sport mécanique et ça ne sait même pas comment on parle de taux de compression, quelle indignité. C'est du fraudeste, rend l'argent des abonnés. Non, mais alors ça, pour être tout à fait honnête, hein, des gens qui ne connaissent pas le sport mécanique, mais qui connaissent la course automobile, il y en a plein et j'en fais partie. Je n'ai aucune idée de comment ça marche mécaniquement, ces trucs. Hein. Mais par contre, les trajectoires, tout ça, ça va. Je gère. Mais alors, un moteur. Puis alors, vous avez vu, la FIA a publié un document à destination des écuries. Et avec toutes les zones de déploiement d'énergie, de machin, les mégajoules, les trucs. C'est imbitable. Franchement, il faut avoir fait bac plus 12 pour le comprendre, je pense. C'est hallucinant. Donc, vraiment chapeau, parce que là. Je n'ai rien pigé, je vous le dis. Donc écoutez, on verra ce qu'il en sera. Donc Aston Martin ne devrait pas finir à Melbourne, hein, voilà. Voilà. Je pense qu'on en a bien parlé. Et Alex Bowman, lui, par contre, sera forfait ce week-end pour la course de NASCAR de Phoenix. Il a des symptômes de vertige actuellement, Alex Bowman. Et alors, ça s'est matérialisé pendant la course d'Austin. Et il s'est passé quand même un truc exceptionnel pendant cette course-là. Donc, pendant Austin, Alex Bowman commence à se plaindre de vertige à la radio et commence à dire « Bon, les gars, ça va pas très bien, peut-être devoir abandonner. » Mais en NASCAR, tu peux remplacer ton pilote pendant la course et lui permettre de marquer les points de la position d'arrivée du pilote qui l'aura remplacé. Et donc, avec Motorsport, le problème, ils arrivent, ils regardent « Bon, bah d'accord, mais faut qu'on trouve un pilote qui est disponible, qui a son casque, une combi, et qui est pas trop éloigné de la taille d'Alex Bowman. » Oui, parce que du coup, il faut qu'il passe dedans. Voilà, tout le baquet. Enfin, tu changes l'insert du baquet à la rigueur, mais t'as quand même les pédales, le volant, tout est fait à la taille de Bowman. Tu peux pas modifier ça pendant la course facilement. Et bon, bah, ils avaient visiblement du mal à trouver. Et ils ont trouvé la perle rare qui s'appelle Mayat Snyder, pilote l'an dernier en NASCAR Xfinity Series, qui était à la deuxième division, et qui ce week-end était à Austin, mais qui n'a pas pris part à la course de deuxième division. Ça alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Il était pit spotter pour Fox, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu as les pit reporters des chaînes américaines, ils ont toujours avec eux quelqu'un qui est là pour leur signaler les histoires qui peuvent être importantes à aller voir, pour apporter l'éclairage, donc être le spotter. En gros, c'est que avec son expérience de pilote, il peut plus rapidement dire à la pit reporter, tiens, faut qu'on aille voir tel stand parce que avec la stratégie ça va se passer comme ça, et ainsi de suite. Et donc il était là pour ça, lui. Et puis soudainement, pendant la course, sur une voie, ils ont fait, bon écoute, t'as ton casque? Ouais. T'as une combi? Ouais. Tu pourrais piloter la voiture de Bowman? Ouais. Et donc il a fini la course. Bon, alors il a fini à 6 tours, c'est anecdotique. Il était à 3 secondes des temps de Bowman. Voilà, bon, c'était la toute première fois de sa vie qu'il faisait de la NASCAR Cup Series. Hein. Quand même exceptionnel. Et du coup, bah voilà, il s'est retrouvé là. Alors, c'est pas lui qui va remplacer Bowman ce week-end, ce sera Anthony Alfredo. Mais voilà, il a pu bah, toujours prendre son casque et sa combi. Exactement, toujours venir sur un circuit avec son casque parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Vraiment. Et là, pour le coup, ben, on était sur le truc le plus incongru du monde, mais voilà, c'était important. Et c'était un peu ce qui était arrivé l'an dernier en Xfinity, justement, avec Parker Kligerman, qui est un pilote, lui, qui a fait pas mal de courses, et qui est devenu journaliste à la télé américaine. C'est lui qui a remplacé en pleine course l'an dernier Color Zilich. Vous vous souvenez Zilich qui s'était blessé quand il est littéralement tombé de sa voiture quand il célébrait une victoire? Il a pris le départ à Daytona, il s'est fait remplacer par Kligerman, qui a gagné la course. Enfin, qui a passé la ligne d'arrivée en tête. Puisque c'est Zilich qui a gagné la course sans être dans sa voiture, du coup, grâce au règlement de la NASCAR. Donc, toujours venir avec son casque, son hand, c'est sa combi, ça peut exactement toujours servir. Voilà. Et je pense que Mayat Snyder, bah, il est bien content d'avoir fait ça. Ce week-end, oh bah hé, il y a de la F1. Je pense que je vous l'apprends. Il y a le Grand Prix d'Australie, donc, avec de la F2 et de la F3. Donc, et important, alors oui, la F2 et la F3 sont des horaires imbitables, mais je pense qu'au moins les résumés, ça se fait. Hein, parce que vraiment, Melbourne en F2 et en F3, c'est toujours un sketch. Oui, la F3, ça commence dans 10 minutes, c'est vrai. Bah voilà. Ça arrive vite, bah voilà, on va regarder ça en direct. Et il y a ce week-end de l'IndyCar et de la NASCAR à Phoenix. Sur le même circuit. Pas en même temps, rassurez-vous. Mais c'est la première fois qu'ils vont partager un ovale le même week-end entre NASCAR Cup et IndyCar. Donc la course d'IndyCar, c'est samedi à 21h30. Et la course de NASCAR, c'est dimanche à 21h30 aussi. Voilà. Et donc, ce sera sympa. Et vous lirez ça dans notre hebdo lundi, bien évidemment, puisque vous êtes des fidèles. Hein, et ça, je n'en doute pas. Remettons des merdolins, mon cher Axel. Je pense que c'est le bon moment, hein, clairement, maintenant. On prend la manche, on prend les couilles, ça fait la manche à couilles. Quelques petites poches à douilles. Bon, il y en aura toujours des bonnes, hein, ça je pense que... Alors, est-ce qu'on va avoir un vote aujourd'hui? Ou est-ce qu'on aurait une extrême domination? C'est ça, ça risque d'être... C'est vrai que j'ai vu un truc incroyable, c'est que Valkyria a mis Palou en Merdolino. Bah, bon, enfin... C'est trompé. C'est trompé de catégorie. Enfin. Comme par ton fils. On s'accusait. Alors, on nous a mis du Aston Martin. Voilà. Yamaha, Aston Martin. Yamaha. Oh. Oh bah alors là, c'est la lutte des titans là. Aston Martin. Aston Martin. Ducati et Yamaha. Oh. Et sur Blue Sky. Yamaha, dis donc. Aston Martin et Yamaha. Bah voilà, parfait. Ah ouais. Alpine pour son tweet mettant en avant Briator. Ah oui, ils ont fait une magnifique photo avec Gasly et Colapinto, genre. On déconne, on est tellement potes. Gasly, quoi, enfin oui, en arrivant Breton, Gasly, quoi, Pinto, pardon. Il avait fait ça pour avoir choisi BYD en safety car de la Coupe de France des circuits. Ah ouais? Oh, c'est pas si mal. Il avait fait ça pour les gros dramas en cours autour de son assemblée générale, où effectivement, c'est un petit peu le bazar. Il y a du rififi, elle avait fait ça pour le moment. Bah écoutez, on va tout de suite proposer au vote sur Twitch Yamaha ou Aston Martin. Là, c'est un petit peu le champion du monde. Là, c'est vraiment. Là, on vous fait voter contre les meilleurs, hein, clairement. Et puis le A, tu vas nous dire quelles sont tes poches à douille à toi. Bah, bien sûr. Alors, j'en ai deux. Alors, c'est forcément, le premier, j'ai mis Aston Martin fit Honda. C'est bon, c'est bien mignon de dire Aston Martin, mais il y a Honda derrière quand même. Oui, les deux sont impliqués quand même. D'accord. Hein. Hein, les deux, concrètement. Et le pire, c'est que tu te dis, enfin, Honda qui chie un moteur, quoi. Alors que concrètement, quand ils sont arrivés, quand ils sont revenus, clairement, à Honda, c'est je quitte YouTube, je reviens, je quitte YouTube, je reviens. c'est clairement le même là. C'est on vient, on gagne, on reste un petit peu. Mais non, on part. Ah, mais attends, on revient quand même. Mais quand ils sont revenus avec Red Bull, on donnait pas cher de leur peau et finalement, ça avait très bien fonctionné. C'est vrai. Et là, ils passent Aston Martin. Et clairement, ça ne fonctionne pas du tout. Le moteur, il n'est pas au point, alors que pourtant, j'aurais vraiment pensé que Honda arrive en solide leader, mais vraiment en se disant que ils font quand même pas mal d'hybrides et que tu arrives sur un système 50-50 électricité et thermique. Je pensais vraiment qu'ils allaient tirer leur épingle du jeu et faire un truc très impressionnant. Et malheureusement, non. Donc oui, forcément, avec les déclarations de « on va pas faire plus de 25 tours », etc., etc., voir la perf que Aston aura sur ce Grand Prix en Australie, forcément qui mérite déjà un verre de lino à l'avance. Parce que du coup, il y aura celui de la semaine prochaine, hein, je pense. Mmh. Et le deuxième, j'ai mis le trophée de la course de Supercross de Daytona. Je vais aller chercher ça. Parce que donc c'est Tomac qui gagne Daytona en 450. Quand il arrive sur le podium, il veut prendre le trophée qui est énorme, qui doit peser 15 kilos. Je ne sais pas, mais il doit être très très lourd. Et il était posé sur un socle. Et Tomac arrive, il veut prendre son trophée. Son trophée, c'est une énorme base avec une moto avec un mec dessus. Mais vraiment, en effet, métal soudé, concrètement. Sauf qu'il veut la prendre, et du coup, au lieu de le prendre par la base, il prend comme si vous avez un jouet avec un bonhomme sur une moto. Il prend la moto. Il prend par le dessus pour lever. Sauf qu'en fait, alors je ne sais pas si le socle était aimanté ou collé, mais du coup, ça ne vient pas. Donc, il force un peu et en fait, du coup, le trophée se casse et il se retrouve avec la moto et le bonhomme dans la main. Sauf qu'il tire tellement fort qu'en fait, quand ça casse, il prend la moto dans la dent. Ça lui casse la dent. Oh merde. Et le pire, c'est que mais il prend un choc violent, la dent se pète. Hein. Voilà, ça, c'est le trophée. Et en fait, voilà, il prend par l'arrière de... Il prend par l'arrière du pilote qui est sur sa moto et littéralement en fait ça casse au niveau de la suspension à l'avant de mémoire et la roue arrière vient avec. Donc en fait ça se décroche et quand ça se décroche il prend du coup la moitié du trophée dans la dent se pète net. Et le pire c'est que c'est hyper violent et tu vois Thomas qui fait juste, il tourne juste la tête, il fait oh pas quand même. Et après tu vois un gros plan de la dent par terre mais c'est terrible ce qui est arrivé. Oh l'image est affreuse. Moi je serais littéralement en train de je serais littéralement en train de pleurer hein. Franchement. Mais c'est comme le hockeyeur là qui s'est pété la dent au JO et qui a marqué le but en or là, mais c'est pas possible. Donc je sais pas s'il va refaire une petite un petit passage pardon chez le dentiste pour lui refaire un bout de dent. Mais voilà, donc un petit merdolino pour le trophée qui a cassé une dent au vainqueur. Oh, la vidéo. Il se le prend à la gueule, il fait oh, oui. Ah, c'est violent. Oh yeah. Oh yeah. Ah, ça c'est ça pas de la merde, hein. Ah putain. Ah, c'est absolument catastrophique, ça. Gazou et Manu ont mis Aston Martin, hein, tous les deux. Enfin, Aston Martin et Honda, hein, globalement. Voilà, et moi aussi, hein, voilà, j'ai pas fait compliqué. Je voulais. Ah non, je croyais que j'en avais mis un autre, mais non, non, j'avais remis des craquitos. Mais aujourd'hui, je suis. Oui. Écoutez, voilà, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est peace and love. Voilà, tout est formidable. Voilà, j'en ai parlé aux gars, ils le savent. On m'a installé la clim. Je suis un homme refait. Voilà, donc plus rien ne peut mal se passer. Peut-être pour ça que je parie sur 6 podiums d'Alonso. Là, pour moi, la vie est belle. Tu penses déjà au juillet-août, là. Ah non, mais rien que là. Non, mais le concept de la clim réversible. Oh là là là, mais quel plaisir. Exceptionnel. Mais alors oui, le juillet-août, où je vous avoue que en plus, ils nous ont mis le truc avec application mobile. Donc le fait où moi, je serais dans mon TER... En train de dire, déjà bim, bim, bim, je veux que mon bureau soit un petit peu plus frais. Ça sera formidable. Alors là, on va vivre des moments exceptionnels. Donc c'est très très bien. La saison commence, place à l'F3, mais c'est pas vrai. Bon écoutez, on s'arrête au bon moment. On va regarder quand même qui a gagné chez vous, chers amis. Aston Martin, hein, sur Twitch, de manière assez violente, 67-33, voilà, 33 comme les victoires de Alonso n'aura pas cette année, hein, ça c'est assez bien senti. Et 60% sur YouTube, bravo Aston Martin, qui au moins aura gagné ça. Hein. C'est déjà un début, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement, c'est pas donné à tout le monde. Lucas Di Grassi n'a pas encore gagné de Merdolino cette année, par exemple. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que ça ne se produise pas. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci Lua. Bah avec plaisir. Qui est venu avec tous ses amis en fond en plus. Donc ça, c'est quand même assez c'est fort bien. Il n'est pas venu seul aujourd'hui, donc c'est très très bien. Amusez-vous bien avec la F3 maintenant, même si je vous avoue que je vais faire l'impasse. Hein, toutes mes excuses. La bonne nuitée. Et puis on se retrouve jeudi prochain, évidemment, avec ça y est, hein, les premiers résultats du championnat de F1. On aura surtout vu à quoi ça ressemble un Grand Prix en 2026. Et à mon avis, il y aura pas mal de choses à en dire. À la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.